Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, oui, oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, nous sommes extrêmement bien accompagnés. Sponsor historique du Floodcast, l'homme qui n'a plus de casse-tête. Casquette, oh là, ça commence très mal. L'usine à même d'internet. Il fait du piano et de la batterie. Il collectionne les cartes Pokémon comme un pur geek blindé. Il aime répéter à ses amis qu'il a tout réussi, alors que bon, on a 2-3 contre-exemples en tête. Son nouvel album, Les Autres C'est Nous, est sorti vendredi. C'est Big Flo. Ouais. Salut à tous. Bravo. Mon album est disponible, allez cliquer Big Flo Lee. Voilà, j'ai pris votre ton de cerveau disponible. C'est trop tard, c'est en vous. Je vous l'ai mis, c'est trop tard, vous pouvez pas le redonner. Il n'a jamais écouté une seule seconde du Floodcast. Il fait de la trompette, mais il envoie du sax. Voilà, bon, typiquement cette référence, il ne l'a pas, évidemment. On partage lui et moi environ 0 point commun, mais pourtant, je suis ravi de le recevoir. Son nouvel album, Les Autres C'est Nous, est sorti vendredi. C'est Oli. Le but, merci, ça va être à la fin de cet épisode, il y aura une connivence, un point de connivence entre vous. On peut le tenter. Alors, j'ai envie de dire que j'ai quand même écouté, forcé par Flo, parce que je pourrais raconter ça. Ça a commencé on par les présentations. Non, vas-y, raconte, on s'en fout. En gros, j'ai voulu Oli ne connaît pas du tout le Floodcast. Sans deck. Et je lui ai fait écouter sur un trajet. Le principe du podcast, je trouve ça déjà horrible, quoi. Non, mais... Parce que c'est la radio, c'est pareil. Il m'a dit ça dans la voiture. Le mot podcast me déprime. Il dit ça lui ramène de la tristesse. Les gens qui écoutent des podcasts et tout, pour moi c'est dur. Mais pourquoi? Ça m'amène à un truc profondément chiant, quoi. Ça me ramène à, j'ai l'impression d'écouter les leçons d'anglais là, tes workbook. Ah mais non, mais tu vois, c'est plus émission de radio. Émission de radio, tu ça te parle plus. Émission de radio, j'ai bien d'Energy Music Awards 5, je crois. Voilà, donc la radio, vous aimez bien. Non, mais t'as fait un bon moment. C'est pareil, ils ont copié sur nous, donc. Ouais, mais. Oui, ouais. Non. Mais ça, j'ai l'impression que tout le monde croit avoir inventé le podcast. Dès que je rencontre quelqu'un, ils disent. Mais non, au bon moment, c'est filmé pour moi. Écoute, bah, c'est filmé. Ah, parce que... C'est le fait que ce soit uniquement sonore qui te. Par exemple, à un bon moment, jamais je l'écouterai en podcast. J'aime les réactions vidéo, les petits jeux, les tu vois, les marades, voir les visages. Mais la radio, c'est bon. La radio, oui, après, je. Les vidéos, c'est bon. Mais non, le podcast, c'est non. Mais non, mais tu me connais, frère, je regarde même pas de vidéos. Je lui ai fait écouter. C'est la première fois que j'entends quelqu'un appeler l'autre frère, et c'est vraiment son frère. Mais ouais, frère. C'est vrai que ça marche pour de vrai. Je lui ai fait écouter genre 10 minutes. Au bout de 10 minutes, vraiment, il m'a regardé avec un regard effrayé. Il bah, dit, cool, en tout cas, bienvenue. Il me dit, frérot, ça fait 10 minutes, je n'ai pas compris un mot. Ah parce oui, que c'était ah un oui. passage très animé. Vous savez, quand on part de blague en blague, oui. C'est ce qu'on adore, nous. Non, mais en fait, ça peut être un peu. Oui. Non, mais ce qui est dur, c'est que vous, c'est comme des mecs. Qui se connaissent depuis longtemps, parce que j'imagine que vous avez un public très fidèle et super engagé. Ouais. Et du coup, il y a beaucoup de private jokes et de trucs que quand tu connais pas du tout. C'est vrai. Déjà, je connais pas le cinéma. Ouais. Je regarde quasiment pas YouTube. Et j'ai aucune connaissance. Bienvenue, en tout cas. Tout ce qui est en anglais, c'est-à-dire stand-up, etc. Ouais. Pour moi, j'étais totalement paumé. Alors, Flo, il s'amuse à grossir le trait, à me faire passer pour un abruti. C'est de l'amour. C'est de l'amour. C'est surtout pour pas que je passe pour un connard. C'est surtout des blagues entre moi et Florent ou depuis depuis des années à chaque fois qu'on se croise on s'insulte et on a aucun point commun mais c'est vrai on va en trouver un. Je vois un logo du Wu-Tang là sur ton ordi oui mais c'est sur les Simpsons mais j'aime bien ça compte pas ça. J'aime bien In Da Club yes I Il pourrait sortir le katana, dormir avec des piranhas, ouvrir un bar dans le Sahara. C'est Adrien Méniel. T'as la ref? C'est vous? Non. Oui, c'est pour un pote. J'ai une histoire sur pour un pote. Et c'est grâce à toi. Mais c'est le truc de Brice 3. Oui. C'est Kian. Grâce à toi et Kian, ouais. C'est moi et Kian. On avait fait une réunion avec Dujardin et les gens de Gaumont. Il y avait aussi Julien Josselin, Ludovic et Justine Lepotier. Et on a donné plein d'idées. Et parmi les idées avec Kian, on disait putain, faire une chanson pour Brice 3, ce serait cool. Et au final, et on ne se connaissait pas à l'époque. Et donc au final, c'est devenu un énorme classique. Un et ça. Non, mais tube plein ça a cartonné vraiment. Ce qui était marrant, c'est que ça intéresse. Je connais pas le public du podcast. Très cool. Dis tout ce que tu veux. Tout ce qui te passe par la tête. Juste qu'au bout de 5 minutes de sérieux, il y ait un caca, il y ait un sperme. Pas forcément, pas forcément. T'es réducteur de base. Déjà qui déteste. De base, on voulait juste faire une chanson. C'était pour ça qu'on nous avait contacté. Et on a un peu mis un ultimatum à Jean Dujardin en bluffant parce qu'on pensait qu'il allait dire non. On a fait vraiment un coup de poker. On lui a dit, je me rappelle d'un mail en disant. On le fait pas si tu. Enfin, on le fait que si tu poses avec nous, en fait. Ouais. Et il a dit pourquoi pas, et on s'est retrouvé grâce à vous en studio avec lui. C'est surtout Kian qui a fait le rapprochement. Dans tous les cas, on était connus, donc ils auraient pensé à nous dans tous les cas à ce moment-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la chanson Pour un pote avec Jean Dujardin, un énorme classique de ma génération qui a fait plus de 75 millions. Et on est d'accord que c'est dans le générique de fin du film. Ouais, c'est faux. Elle n'est pas dans le générique parce qu'on l'a rendue trop tard comme des merde. Cons. On était en vacances et on l'a enregistré trop tard et ils nous ont dit bah, vous êtes cons, vous n'êtes pas dans le film. On a perdu énormément de fric en plus. Mais tout le monde pense que c'est dans le film. Ouais. Ah ouais, j'étais pas sûr que c'était dans le film. C'est uniquement de la pub. Alors. Oli, donc tu ne connais pas, mais l'émission commence avec des petites actus insolites. Voilà, oui, ça je l'ai écouté et parce que tu vas adorer ça. Parce que j'aimais bien écouter avec mon père l'émission de Laurent Ruquier. Les grosses têtes. Ça s'appelait même On va se gêner. Voilà. Exactement, bien sûr. Et du coup, j'ai dit, mais attends, ils ont copié On va se gêner, c'est ce que je t'ai bien dit. Sûr. Là, à peu près. C'est ça. Oui, non, c'est une inspiration. Non, mais voilà. Flo m'a dit, ils le disent et tout. Non, bien sûr. On a. En fait, c'est un classique de radio, c'est de reprendre des infos insolites et tout. En gros, oui, c'est copié. Mais c'est un plagiat. Total. Lorde, aucune fraîcheur en tout cas. Pour l'instant, Ruquier n'a rien vu. Aucune fraîcheur dans ce segment. C'est la question que tu te poses. Il y a aucune. De manière générale, il y a aucune fraîcheur dans ce qu'on fait. Dans ce segment. C'est du réchauffé, mais qui marche bizarrement quoi. Et on s'en comme si pas. Tu prenais tous les trucs dans ton frigo qui sont un peu défraîchis, ouais. Tu fais un plat avec et c'est délicieux. Bon. Non, enfin, les gens aiment bien. C'est un McDo. Oui. Voilà, c'est ça passe. Pour faire quelque chose de très beau, il faut se contenter de ce qu'on a déjà sous la main. Et ça, c'est dans la quelle chanson de l'album? Parfois, pour faire quelque chose de très beau, il faut se contenter de ce qu'on a sous la main. Big Flo et Oli Toulouse, la famille, les amis. T'as poussé, c'est le live avec Squeezie où il faut deviner si c'est une vraie chanson ou pas. Vous l'avez regardé. Très bon concept, j'ai trouvé. Ouais, c'était super trop bien. Concept. Ça a cartonné. Ouais. J'avoue. Bon, quoi, comment ça a pas marché? Si. Bah alors. Florian ne fait jamais d'ironie sur son succès. Non. Pour moi, c'est même plus une blague. C'est même plus une blague. Je cherchais la blague. Non, 100% de succès total et radical. Raz de marée sur internet. L'album de ton père, quand même. Alors lors d'un séminaire d'entreprise 10 020. Lors d'un séminaire d'entreprise. Pas si ouf. Par rapport à l'expo. On aurait pu l'expo. Ah, l'expo qu'il a eu, ouais, de tout ça. 13 personnes ont été grièvement brûlées, à votre avis. Tu peux répéter le début? Bien sûr, lors d'un séminaire d'entreprise. Ouais. 13 personnes ont été grièvement brûlées, à votre avis, que s'est-il passé? Un truc un peu insolite. Il a pété devant un briquet ou quoi? Une machine à gaufres qui a pris feu. Non, pas une machine à gaufres qui a pris le feu, mais ça aurait pu. Un truc marrant donc. Ça peut te régaler autant que t'énerver. Est-ce qu'il y a eu un spectacle? Il y a pas un spectacle. Alors, c'est vraiment un séminaire d'entreprise. Si ça peut m'énerver, ça veut dire que c'est une erreur humaine. Je sais, quelqu'un qui a fait un truc et ça va m'énerver. Ça me fait rire que si ça m'énerve, c'est que c'est une erreur. Ou du racisme. Ça peut pas m'énerver si c'est un juste c'est un faux. Lié à la bouffe. Pas lié à la bouffe. Okay. Non, c'est vraiment une erreur humaine. Est-ce que c'était genre un séminaire un peu spirituel et ils ont dit venez, on allume un feu de camp au milieu de l'open space? Alors, c'est pas la deuxième partie est fausse, mais par contre, c'est exactement ça. C'est genre quelqu'un qui a dit sortez vos briquets, genre en mode rockstar. Non, c'est pas ça. Sortez vos briquets, c'est un bling dans la ville. Sortez les briquets. C'est quoi la première phrase? Il y a comme un coup de quand je marche dans ma ville, voilà, comme un coup de chez les jeunes pour ce moment. Chez les jeunes de l'an 2000. Un séminaire d'entreprise et en gros le but c'était de dire faut pas se poser de questions dans la vie, il faut foncer. C'était ça le message. Est-ce qu'ils ont mis des braises par terre genre? Non. Bonne réponse. Ils ont fait le chemin des braises. Il y avait un défi, marcher sur des braises. Il s'agissait d'allumer un gigantesque feu de bois. Lorsqu'il ne reste que les braises, les gens devaient marcher dessus sur quelques mètres. C'est dans quel pays? Parce que c'est en France. C'est en Suisse, pardon. C'est un vrai truc en Inde, ça. Là, c'est vraiment juste des. Ah oui, c'est vraiment juste des cons, quoi. c'est le mot. Alors, j'explique un peu pour les gens. Ouais. Il y a une porte qui ferme pas bien, qui est en train de rendre complètement fou Adrien et Florian. C'est pas très grave. Si jamais on dérange les gens. C'est un hôtel 5 étoiles. Dis-toi que tu gênes un petit peu les gens. Ils s'en foutent d'être au calme et tout. Justement, tu déranges les puissants, Adrien, toi qui adore ça. Alors, il faut savoir que. Le principe, c'est que comme on est des stars, tout nous est pardonné. Ah oui, d'accord. C'est ça. Nous, on est. Moi, je suis arrivé en mangeant des biscuits apéritifs, donc. Bah oui, moi, mais. Ouais, mais t'avais une gourde plate qui a rendu fou au lit. Il a une gourde plate. Non, mais c'est vrai, honteux. Ça, j'avais jamais vu ça, une gourde. Déjà, alors, j'en ai pas une, j'en ai trois déjà. Oh non, mais franchement, mec, ça c'est non. Hein. Et alors, est-ce que tu peux expliquer aux gens à quoi sert une gourde plate ? Eh ben, quand vous avez un petit sac assez étroit, ça rentre dedans, quoi. Ça, attendez, on lit, ça, c'est pas un truc de connard, ça. Ça mais, tu peux prendre le micro et l'amener à toi. Excuse-moi, mais une gourde plate, c'est. Oui, bah tout le monde n'a pas une équipe qui t'amène une bouteille d'eau quand tu claques des doigts, quoi. Moi, je me trimballe avec de l'eau. Mais elle a quelle contenance ? Et elle a l'air de pas contenir beaucoup d'eau. Non, du pas coup. Beaucoup, mais bon, celle-là, voilà, ça m'a désaltéré. Bon, bah, allez, bon, allez, c'est, allez, moi, je me casse. Ouais. Porte de merde, hein. La porte vient de s'ouvrir avec un coup de vent. Donc, selon le média, l'événement est présenté comme adapté à ceux qui ne veulent pas bavarder. Apprendre et se préparer longtemps, mais à ceux qui veulent aller droit au but. Après avoir marché sur les braises, wow. L'un d'eux a refroidi ses pieds avec de l'eau froide. C'est qu'après un temps qu'il a remarqué que la douleur ne disparaissait pas. Faut savoir que 25 commerciaux ont été brûlés et 13 d'entre eux ont dû être hospitalisés. Mais attends, ça veut dire que le mec qui organise ce petit, cette petit petite session, tranquille. Il a aucune notion du coup du marché sur la braise. Il a fait quoi, à l'impro total? Ouais, je pense qu'il s'est dit, je crois que dans le message c'est pas mal, genre tu fonces dessus. Oh là là. Mais non, mais en plus la personne n'aura rien puisque c'était au volontariat. Il a forcé personne. Les gens ont dit ah vas-y je le fais, ah c'est ouais, trop bien. Juridiquement il a rien le il gars. Il est tranquille. Il est largement tranquille. Vous êtes capable vous de faire ce genre de défi un peu à la con quand vous étiez ado ou des trucs comme ça? J'étais l'inverse, total inverse, opposé à tout ce qui est potentiel danger. Tu étais pas un fan de Jackass par exemple? C'était pas ton non. truc. Non, en fait, non. Je suis fan de regarder les gens faire les cons. En fait, moi j'étais et un peu Jackass. Le et encore. J'envoyais les gens faire les cons souvent. C'est moi qui donnais les idées et les mecs les faisaient et on s'amusait tout le monde. Même Jackass, pendant longtemps, t'aimais pas, c'était trop gore et tout. Un peu trop violent pour quand moi. Quand il s'agrafe les couilles par exemple, peut-être. Les couilles de gros plans comme ça, si je peux éviter, c'est toujours mieux. Un mec qui s'agrafe les couilles vraiment sous ma gueule, si je peux éviter, c'est toujours mieux. Pour passer une bonne journée. Ça s'appelle ça, ça un nom, il appelle ça, c'est Steve-O, la figure du papillon. C'est-à-dire qu'il s'agrafe les couilles à des gros cuisses. Et quand il ouvre les jambes, sa bite fait le corps du papillon et la peau des couilles fait les ailes. Non, bah mais j'ai appris à aimer Jackass. Justement, j'ai découvert il y a pendant le confinement, je crois. Ouais. Et ça m'a donné un côté lâcher prise qui est agréable au final. Moi qui suis un peu anxieux dans la vie et tout, je me dis là, j'ai des mecs qui s'en battent les couilles, ils sautent des toits, ils ont rien. Ouais, mais pourquoi je m'inquiète? Pour moi, c'est les. Quand je pense surtout aux 11 commandements dans ce genre de conneries là. T'avais kiffé? Ouais, moi j'avais adoré, moi. Vraiment. Ouais, mais il y a un. Pas qu'est-ce qu'il y a, c'est un test? C'est un test? Moi j'ai adoré l'11 commandements. Pas du tout, non, mais ça me tue. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Que tu cites les 11 commandements un peu hors sujet. Mais c'est non, pas, non, c'est Jackass. Attends, mais c'est totalement un plagiat de Jackass. Ce mec, mais il est dans une haine. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus dans le sujet que de parler des 11 commandements. C'est typiquement les Jackass français. Oui, mais totalement. C'est la même chose. C'est des vidéos de mecs qui font de la merde. Qui veut que t'aies l'air d'un con. Non, mais t'as pas. C'est quoi? Je suis un abruti au milieu de vous. Parce que je regarde pas du stand-up en anglais et que j'ai pas un t-shirt Looney Tunes. Je vous encule. Non, mais t'as pas développé derrière. T'as juste dit. Ça me fait penser aux 11 commandements. Il y a pas de suite, quoi. Moi, j'adorais les 11 commandements dans ce genre de délire-là. Un très bon point commun. Je suis pas à combler chaque silence pour paraître intelligent. J'allais continuer la suite. Moi, en termes de ce genre de conneries, j'étais vraiment fan des 11 commandements parce que c'est en français et j'allais en venir sur un sujet. Tout ce qui n'est pas en français, j'ai du mal dans la culture. Ah ouais. Comme je parle très mal anglais. Je sais pas, on doit pas être beaucoup à écouter le Floodcast et à pas bien parler anglais. Oh, c'est un carton quand même. Il y a Florent déjà. Non, moi j'adore, tu rigoles ou quoi? Non, mais toi non, tu mais parles super anglais, bien anglais, non? Ah, je comprends très bien anglais. Oui, j'ai un accent de merde. J'ai un accent. Vous, c'est sûr, c'est team version originale dans les films. Ouais. Voilà, typiquement, moi j'aime pas. Ouais. Je déteste lire et regarder le film en même temps. Et je me suis perdu par parce que le regard de Flo m'a effrayé. Pas du tout, j'ai rien fait là. Pour le coup, j'ai rien fait. Dans le vide, attendant. En tout cas, il a cramé tous ses employés, quoi. Voilà, c'est ça. Mais toi, tu faisais pas trop le con quand t'étais. Parce qu'en fait, vous, dans ma tête, parce que je vous connais pas si bien, ouais. Vous faites plein d'instruments, vous avez commencé très jeune. Ouais. Dans ma tête, vous n'avez pas eu d'adolescence. Mais c'est sûrement faux. Non, mais je me mets dans la peau de quelqu'un qui peut-être ne connaît c'est pas. Vrai, tu peux te dire, ah, ils ont bossé très jeune et tout. Mais c'est vrai que pour te dire, j'ai signé en maison de disque à 16-17 ans. C'est ça. Donc j'ai eu une adolescence, si on l'a eu, mais particulière. Ouais. Où on n'a pas connu réellement rien faire devant le lycée, les soirées, on était souvent en train de travailler, déjà en concert, en tournée. Très très jeune. Hein. Moi j'ai eu ça différemment. En fait, quand on est ado, on aime plusieurs trucs. Déjà, il y a toute la notion du danger et tout. Bah, moi j'avais trop peur. Il y a tout le pan meuf. Bah, moi, ça m'était fermé pour des raisons physiques. Pour des raisons évidentes. Et autres. Donc, j'avais déjà ces deux pans qui sont très gros, qui étaient fermés pour moi. Je me suis dit, autant bosser comme un acharné, essayer de tout niquer. Mais là où je suis pas d'accord, souvent, dans les médias, tu rabaisses cette année-là de ta vie. Où je pense qu'il y a beaucoup plus d'ados qui étaient comme toi. Oui, parce que d'ado geek, hyper, même, et qui hyper cool. Ouais. Il y a eu plein d'ados jusqu'à leurs 16-17 ans qui ont rien fait avec les meufs par stress. Jusqu'à beaucoup plus, Adrien et moi. Jusqu'à facile. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on est une majorité? Mais bien sûr. Majorité, je sais pas. Moi, j'envoyais tous mes potes, ils embrassaient des meufs, ils avaient des rencarts. Mais moi, j'avais rien. Flo, j'avais rien. Tu remarques, c'est ce que tu remarques. C'est fou en plus. Tous les, excuse-moi, je vais citer des noms, mais tous les. On peut biper, bien sûr. Non, mais on peut, on va les laisser. Ils ont mon numéro. Mais non, mais tous les Robin, Coco, etc. Mais c'était pas la majorité au collège, qu'est-ce que tu racontes? Arrête de te créer une histoire, une mythologie. Mais ça, j'ai envie de dire elle pour me les plaît, gens. Cette mythologie, ça Flo, j'aime y bien. Il y avait un moins très mauvais flow de casse. Non, mais il y avait je moins. Je regrette d'avoir invité Oli. J'avais mon petit. Mais j'avais mon petit univers là. Non, mais attends. Non, mais j'avais mon petit univers. Je vais te le dire. Il y avait. Tu viens bousiller mon truc. Allô, Flo. Mais j'étais très populaire au lycée. C'est ça que tu veux que je te dise? Tout le monde m'adorait. J'étais la coqueluche, évidemment. Mais c'est ça que j'étais envie de dire. Je faisais des morceaux. Le mec s'invente une mythologie. J'étais absolument parjeté pour les gens. Au top tout le temps. J'ai baisé à 13 ans, vous m'entendez? Il y avait plus de mecs comme toi au collège, surtout à notre collège, que de Alex ou de Bogos qui chopaient. Il y en avait deux qui chopaient dans tout le collège. Ah, mais c'est vrai, il y a plus un truc de oui, loser. Mais bon, tu vois tout le côté un peu scooter, drague, tout ça, que la majorité des gens ont connu. J'sais la pas première si c'est une copine n'est pas notre collège. La première copine à 13 ans et tout, c'est un classique, c'est vrai, non? C'est vrai. Est-ce que par exemple, oui, question, j'ai une question. Bon, est-ce que intéressant. Vous, est-ce que vous kiffiez non, mais... votre première meuf? Ou est-ce que vous y êtes allé un peu genre, je suis seul, donc j'y vais? Alors là, frérot, tout ce qui est thème amour. Non, mais c'est. Je vais me retirer. Ah non, j'ai aucune notion de ça. Un sociopathe. Non, non, mais. Tout ce qui est sentiment, j'ai aucune notion. Les émotions. Quand je vois un enfant pleurer, je dégueule. Enfin, je suis vraiment. Non, je suis pas l'amour, l'amour de la vie, amitié, etc. Mais ouais. Tout ce qui est amour, sentiment des... amoureux, ouais. Je suis pas du tout. T'as pas eu de première meuf, genre? Si, j'en ai une. Un premier love, comme on dit. Mais, dans le milieu du rap. Mais je passe la main sur ça. Ah, ok. Flo. Effrayant. Et effrayé peut-être. Et peut-être. Moi j'étais très amoureux évidemment. De comment ta première pas être... meuf. Ouais, okay. Franchement. Mais très, moi très, pas très... du tout par exemple. Moi j'y suis allé un peu par dépit, tu vois. En mode palec. Non, pas palec, mais genre j'étais seul. Heureuse d'écouter ce. Bon, le sait. Hein. Non, mais c'était un truc de. Non, mais j'avais genre 17 piges, tu vois. Et j'étais vraiment, j'avais pas eu de meuf de ma life. Et donc il y avait un truc de. Bah, elle m'aime bien, bon je vais y aller. C'est parce qu'on a reçu un auditeur récemment. On en parlait avec un auditeur qu'on a pris. C'est toujours dur ça de. Moi souvent on pose la question quand je fréquente des filles ou quoi et que ça devient sérieux. Fais très attention à chaque mot que tu dis là. J'ai pas du tout peur. Tu vois. Mais comment savoir que c'est bateau ce que je dis. Ouais. Mais moi j'ai jamais su réellement est-ce que j'ai eu des vrais sentiments, est-ce que j'étais. C'est bien ça, faut laisser mais le temps. Mais là je te rejoins là-dessus. Parce c'est que dur c'est, quoi. C'est vraiment un truc sur lequel il y a pas de définition précise par définition. Enfin, mais ouais. Par définition. Ah, donc on dit est-ce que t'es amoureux, tu fais bah. Je sais pas. Non mais en vrai, c'est pas le truc à cocher. Tu sais. J'imagine une meuf te dire t'es amoureux. Non mais moi non, je mais pense c'est quand il y a aussi un côté truc... illusion de romantisme ouais aussi. Du début et de ce qu'on nous a appris. Moi je pense que il y a un truc aussi de ça va être hyper cucu, je regrette. Non, déjà va, d'avant quand arrête, tu vois la personne, il y a ce petit truc de plaisir, ce petit truc dans le ventre. Ça c'est ça pour moi être amoureux. Ouais. C'est que tu vois ta meuf et tu dis ah putain, c'est une personne quand même que je trouve jolie, que je trouve extraordinaire, je suis content qu'elle soit présente. Ouais. Trop cucu pour le flot de casse. Pas du tout, mais pas j'ai des énormes couilles remplies de sperme par exemple, un truc comme ça. Ouais, ça c'est nous aussi, ça va. Je rigole, je suis très fan. Ce week-end c'était les élections législatives et d'ailleurs Big Flo et Olive vont nous dire pour qui ils ont voté. Tout à et fait. Jean-Luc Duret, candidat à La République En Marche, a détonné avec ses affiches de campagne assez surprenantes. Oh putain. À votre avis, en quoi elles étaient surprenantes? Alors, qu'est-ce La République En Marche. Qu'est-ce alors, que c'est cringe quand ils essayent de faire des trucs cool. C'est, alors, vous allez voir, c'est le côté République En Marche n'a rien à voir le parti. C'est juste pour vous dire que c'est pas une blague. C'est un truc qu'ils ont. Qui est sur les affiches qui était assez surprenant. Y a, ça n'indique. Ça donne aucune indication le fait qu'il soit. Non. C'est juste pour vous dire, c'est fou parce que c'est un. Parti connu, c'est pas le parti animaliste ou le parti je sais mis, pas quoi. Est-ce qu'il s'est mis avec un personnage de la pop culture à côté de lui? À côté de Bugs Bunny par ouais, exemple. Un truc comme ça. Fausse non. Affiche de film? Pas fausse affiche de film. Pas mal. Salaud. Non. est-ce que c'est dessiné? Ce n'est pas dessiné, c'est pas une caricature avec un gros nez. Et des... non, est-ce qu'il n'y a pas de photo et juste une phrase choc? Alors, il y a une photo. Mais pas de lui. Et y a... Si, de lui. Il y a des phrases choc. Ah, c'est lui petit. C'est pas lui petit. Ah, est-ce que c'est. Comme une ça affiche c'est, de spectacle, ouais. Genre non, non. Comme non, s'il non. Y avait des avis, genre. Est-ce que c'est, non, des, non, non, est-ce que non, c'est des tweets méchants sur lui? C'est pas des tweets. Dis, en fait, vous cherchez une originalité, comment dirais-je, dans le ah, dans l'affiche elle-même. C'est non, non, pas dans les hashtags. Non, c'est pas des hashtags. C'est pas la mise en scène. C'est en vraiment. Fait. C'est pas dans la mise en scène. Okay. C'est dans le concept même de son affiche. Il a pas fait une acrostiche. Dans le concept. dans le concept même de si sa... je sais, je l'ai vu. Ah. Bah, je gâche. C'est à toi de décider, Adrien. Je sais que je connais tout, je suis fan. Tu peux en proposer plusieurs. Ok, vas-y, continue de chercher. Mais ce n'est pas dans l'affiche, ça concerne même sa candidature globale. Un QR code. Pas un QR code. Ah, il est mort ? Non, il est pas mort. Je l'ai la réponse. C'est un NFT. Ah non, c'est pas un NFT. Hein. Non, c'est pas. C'est vraiment pas sur l'affiche. C'est dans le concept même de sa candidature. C'est pas le slogan. J'ai déjà demandé. J'ai oublié. Non, c'est pas le slogan. Est-ce qu'il n'avait pas demandé. Il a prévu de s'il est élu, de toute façon, démissionner directement après. Ah, t'es pas loin. C'est quoi, Flo va nous le dire, parce que t'es vraiment pas loin. Alors, il avait marqué sur son affiche : ne votez pas pour moi. Exactement. C'est parce Laurent Baffie ou quoi? Parce qu'il était, il avait un truc vraiment technique, il avait pas les équipes, ou il était pas prêt, un truc comme ça, c'est ça? C'est pas original du tout si c'est une idée de com. Non, c'était même sincèrement, il fallait pas voter pour lui. Il fallait pas voter pour lui. Et du coup, qu'elle a voté pour lui. Oui. En gros, il s'était présenté en gros pour La République En Marche. Sauf qu'en fait, on l'a parachuté ailleurs. Sauf qu'il s'était déjà inscrit. Et quelqu'un d'autre de La République En Marche s'est inscrit. Donc il y avait deux candidats de La République En Marche dans la circonscription. Donc, il divisait les voix par deux si les gens voulaient voter En Marche. Donc lui, il a dit. Sauf qu'il s'était déjà. Attends, tu peux pas te désister. Mais c'est ça, je ne comprends pas. C'est impossible de ne pas pouvoir se désister, mec. Je vais vous expliquer ce qu'a dit. De gauche. Ce qu'a dit Midi Libre. Vous connaissez, vous autres. L'explication réside dans un micmac administratif responsable départemental de La République En Marche. Le candidat était sur tous les fronts pendant la campagne présidentielle. Il pensait donc logiquement obtenir l'investiture à La République En Marche pour ses législatives. Sauf qu'entre-temps, la suppléante de Patrick François, poussée par La République En Marche, a également déposé sa candidature. Bien, je n'ai pas compris un mot. Je n'ai rien compris. Bon, moi, j'ai compris micmac. Micmac administratif. En gros, il était inscrit. Et les deux sont inscrits et donc du coup, il a dit ne votez pas pour moi. Et alors, Fait pas d'affiche. Si, parce que lorsqu'ils allaient voter, les gens, il y avait. Deux tracts La République En Marche. Donc forcément ça divisait les voix. Si tu veux voter pour En Marche. Est-ce qu'ils ont perdu du coup En Marche sur cette circonscription? La conclusion est... Moi je voudrais savoir combien il a eu de... Alors je vais te dire vote. Il a eu 0%. Les gens ont fait ce qu'il a demandé. Il n'y a pas un troll qui a dit Il y a eu un vote pour lui. Mais ça fait 0% vu qu'il y a eu des milliers de gens qui ont voté. 0,000 quelque chose. Ça compte en 0%. Il y a eu un vote pour lui. Il y a eu un seul vote pour lui. Qui était content. Il a fait il a rigolé tout seul à moyen. Il a fait une story en train de mettre. En revanche, c'est Rassemblement National qui a gagné dans ce dans la donc voilà. Un fan. Vous êtes habitué au RN? Non, moi j'ai du mal, mais j'aime bien redire FN en plus, parce qu'il y a tout le passif. Moi j'arrive pas, quand j'entends Rassemblement National, je l'ai pas encore affilié vraiment dans ma tête au FN. Quoi. Bah, ouais. C'était leur but un peu quoi. C'est Stephen King fatigué. Il y a un truc, il a très bonne gueule. Bah, c'est comme quoi ça marche. Ça a marché. Je savais même pas réellement je sais même pas réellement ce que c'est, mais c'est pour moi ça reste FN. Fais très attention à tout ce que tu dis. Chacun des mots peut être retenu contre toi. À tout moment, t'es cancel là. Donc fais très attention. On sent que Flo, il a été. On sent que Flo, il a été. Comment dire? Impacté par cette histoire de Twitch quand même. Maintenant, la pause m'a fait du bien. Chaque mot est pesé. Fais très attention à ce que tu dis. Parce que là, t'es bonne ambiance, tu rentres chez toi. Non, on piège pas, nous on piège pas, on piège pas. Non, mais. Hein, on piège pas. C'est médias, tu connais. Les médias salauds. Les médias, c'est les merdias, des journalopes. Un fan a dépensé 500 000 dollars pour acheter un ballon culte, à ses yeux, bien sûr. Le dernier dans lequel a tapé Tom Brady avant de partir à la retraite. Mais problème, Football américain. Mais quelques heures plus tard, le ballon ne valait plus rien du tout. Pourquoi? Dégonflé. Parce qu'il a retapé dans un autre truc, le mec. Alors, t'es pas loin. Ah, c'était plus le dernier du coup, c'est ça? En fait, Exactement. Ah non, c'est plus le dernier, mais plus précisément. Il a réannoncé qu'il rejouait au tennis. Il s'est remis à jouer. C'est horrible. Je prends plus ma retraite en fait. Donc, l'Américain avait participé donc à une vente aux enchères où figurait le ballon de ce joueur. C'était la dernière passe de touchdown de Tom Brady pour être précis. Ah, d'accord. Pour empocher le pactole, cet enrichisseur a payé la coquette somme de 518 000 dollars, donc 473 000 euros. Moi, j'ai envie de dire bien fait un peu, mais. Sauf que quelques heures plus tard, la star du football américain annonçait son retour. Parce que c'est totalement ce que t'aurais pu faire. C'est pour ça que il devrait être remboursé pour moi. Mais alors du coup j'ai un petit jeu pour vous. Ça s'appelle un jeu. C'est le juste prix parce que en plus de plagier des émissions cool comme les grosses têtes, on plagie. Qu'est-ce que vous avez créé le juste prix? Qu'est-ce que vous avez créé dans cette émission? Oui parce qu'en plus ils font ça dans Popcorn ce jeu. Ah bon? Non mais juste prix, la France entière joue à ce jeu. Les recommandations de fin. C'est aussi. Non, ça on l'a repris à plein de podcasts. Ouais, aussi. Ouais. Non mais c'est un ton, nous on impose notre ton, voilà, tout va bien. Non, je vais vous dire des la objets. La barre du micro me compresse la bite. Je comprends. C'est des objets Bandeur. Big Flo et Oli qui ont été revendus sur Le Bon Coin, eBay, sûr. De Vinted. Il y en a pas. Alors ça c'est bâtard. Beaucoup, ah ouais. Ça c'est bâtard parce que je sais que c'est souvent des prix très bas. Non, tu vas voir. Tu vas être surpris. Par exemple, une paire de baskets Coq Sportif Visionnaire. Je vous lis la description. Bonjour, le prix est justifié, donc ça vous donne un indice, c'est assez cher. Le prix est justifié par la boîte. Cette boîte est introuvable pour le public vu que c'est la boîte d'exposition ou celle que Bigfoot offrait à leurs proches. J'ai les preuves de ce que j'avance en vidéo, n'hésitez pas à me contacter. En plexi la boîte. Alors pour le coup, il ment pas parce que cette box là, il y en a eu très peu. Je sais même pas comment il a pu l'avoir, lui. Les chaussures ont bien évidemment pas été portées. C'est plus. Beaucoup plus. 500. Attends. C'est quoi l'objet, pardon? C'est des baskets. Coq Sportif. Des baskets qu'on a sorties et c'est pas la boîte que le public pouvait avoir. C'était une boîte. C'était pour les proches, normalement. Ouais. Bah, je dis 5000. Non, beaucoup moins. Ah non, c'est Big Flowly, là. c'est un public. Vous étiez pas loin, 400, tout simplement. 400 euros. Voilà. 400 euros. Qui est quand même 4 fois le prix de. Je trouve que ça les vaut. 100 euros, normalement, les chaussures. Je trouve que ça les vaut. Les chaussures valent 100. T'as une version exclusive x4. Vous en avez sorti combien, à peu près? Des chaussures? Ouais, de celle-ci. 11 000. De dans le truc la boîte, il doit en avoir 50 max. Ouais, voilà, donc c'est vraiment quand même très rare. C'est quali. 4 fois le prix, ça se comprend. Et puis au final, ton jeu est allé vite puisqu'on a trouvé le prix. Il y en a plusieurs. Et dis donc, t'as un petit marteau dans ta main, le petit juge là. Une carte Pokémon dédicacée par Big Flo. Carte Pokémon dédicacée par le célèbre artiste. J'adore cette formule. Le célèbre artiste Big Flo. T'as la photo? J'ai la photo. Carte unique en son genre, carte signée par Big Flo lors du gala TCG Paris. Elle est bien protégée, comme vous pouvez le voir, que lui envoyé sous 24 heures. C'est un bâtard, le mec. Alors, c'était. Donc, il fait dédicacer, il l'a revendu. Mais oui, c'était il y a pas longtemps en plus. Je me fais chier à re-signer les trucs. TCG, c'est quoi déjà? Le gala Trading Card Games. Je vous montre la photo. Le truc où t'étais là? C'est un Karchakrok. On s'en fout, en plus, c'est un Pokémon de merde. Ah oui, la carte vaut rien? Non, mais c'est un souvenir pour lui, ça. Non, en fait, non, c'est un truc qui vend. Après, il est dans la merde de ouf, le mec. On sortait de cet avou. Peut-être. On sortait de cet avou et souvent. Il va faire 30 balles avec, mais. Dans ces émissions de télé, il y a ce qu'on appelle des mecs qui collectionnent les photos, etc. Bien sûr. Il y en a toujours à la fin de. Et bien justement, il y a un mec qui m'a fait signer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je dis putain, il est vraiment fan ou c'est bizarre? Non. Et il y a un autre gars qui était là qui me dit à l'oreille: hey, tu sais que ça, il va se les revendre, hein? Il va te les revendre 50 euros la photo. Et moi justement, j'ai voulu blaguer avec ce gars et je lui dis: tu t'appelles comment? Allez. Et il me dit non, je dis mais dis-moi, je marque pour Il voulait pas. Et le gars il voulait pas et j'ai rigolé avec lui parce que j'avais compris le truc. Donc c'est un bon truc pour les piéger, bien sûr. Ouais, comment tu t'appelles là? Et tu m'as demandé 6 en plus et si tu dis non, tu passes un peu pour un bâtard, t'es mais piégé. Mais franchement, non, parce que tu revends derrière. Quand c'est clairement des mecs qui font ça pour se faire de la thune, tu passes pas pour un bâtard. Ça dépend de la vidéo, ça dépend du TikTok, de l'angle, ça dépend de si elle intro du montage. Si c'est juste moi qui fais mais je vais pas te les signer tes trucs. Je vais pas te signer. En plus, t'as la voix de Fernandelle. Si t'as juste la voix de synthèse de TikTok qui dit: regardez comment Big Flo réagit quand un fan lui demande un autographe. Ah ouais. Je vais pas te signer ça. Fin du montage. Allez, terminé. Pas de buzz. Terminé. Alors, à votre avis, combien ça a coûté? Alors, combien le vend? Combien le vend? Après, moi, je connais pas. 30 balles, moi, j'aurais dit aussi. Hein. Ça vaut pas plus. Beaucoup plus. Bah, la carte en elle-même, t'as une idée de. La carte, c'est quoi? C'est Karchakrok, c'est ça? Karchakrok. Karchakrok, comme ça vaut 20 centimes, je pense. Ah oui, d'accord. Vraiment? Oui, c'est une toute récente. 300 balles? Moins. 100 balles. 150 balles. Ah, il a abusé. 150 balles. Mais il l'a vendu ou pas? Non, tout ce que je vous dis, c'est encore. Vous pouvez l'acheter, d'ailleurs. Bah, un truc d'ego d'artiste qui me fait un peu chier. Vas-y. C'est horrible. Célèbre artiste de Big Flo. Je suis immensément connu, mais ça, bon. Mais en gros, tu es arrivé au stade où tu remplis quoi? Des stades. Ah, ok, c'est par bon. Exemple, c'est pour savoir. Je continue dans la question. La réponse. Je me demande qui ça fait rire à force. Et figure-toi que ce personnage qui est tout le temps. Au début, il nous faisait tous rire. Mais. À force, qui ça fait là de toujours dire je remplis les stades, des trucs? Ben, je crois que j'ai un public. Parce que. Je reçois énormément de messages de soutien. Beaucoup de gens qui me disent: hey, quand tu fais le connard là, le perso, je kiffe, bravo. À force on peut croire que t'es vraiment un connard. Non, mais je le suis un peu, par contre. Il y a forcément. Il y a toujours un fond de vérité. Il y a toujours un fond de vérité. Sur l'image, ça joue, je pense. Ouais, mais ça marche. Mais je pense que là, c'est un public aguerri, c'est un public internet. Il peut y aller. Tu veux dire que tu t'adaptes en fonction du public? Tout à fait. Là, je me lâche un peu plus. C'est le foutage qu'on est ensemble. On est en famille, mon album est disponible partout. Faussaire. Et qu'est-ce que je voulais dire? En fait, nous, on a beaucoup signé de trucs avec Oli. Bien sûr. Parce qu'on est sympa et ça fait plaisir. Mais du coup, ça fait que mes signatures, elles sont un peu moins rares. Donc, en tant qu'artiste, c'est terminé. C'est de la folie. Ça fait un peu chier. C'est de la folie. La phrase coupée d'Adrien était moins grave, c'est vous dire. J'aimerais que ce soit un peu plus rare, une signature de Big Flo. Là, j'en ai fait 36 000. C'est un peu. Ça vaut pas grand-chose, en vrai. J'aurais aimé. C'est de la folie. Un peu. Vous en avez un peu parlé chez McFly Carito, peut-être vous avez d'autres exemples. C'est quoi le truc le plus chelou que vous ayez dédicacé? Parce que dans Mac Vitaito, vous parliez de... Alors, un soir, je crois que... Je sais pas si on l'a dit. Un soir, il y a des mecs... des fois, il y a des mouvements de groupe, de fans. Et ce soir-là, le délire, c'était de signer les chaussures. Ok. Donc, si, je sais pas pourquoi. On l'a raconté. Ouais. Dans anecdote. Ouais, j'ai un pédiatre, mais c'est pas grave, on peut le raconter aussi. Tout c'est le pas monde forcément. Je vais trouver une chose très vite. Non, mais, pas... mais les gens ont pas forcément vu. Non, raconte, raconte, je te répondais juste à est-ce qu'on l'a raconté. Excusez-moi, je suis peut-être trop passionné. Et donc, ils sortent les chaussures et ça pue des pieds. Et bon, c'est marrant deux fois, deux, trois, mais c'était dans le sud ou pas? Parce qu'il fait chaud, on transpire plus. C'est possible. Ouais, ouais. Je dis pas que les gens du sud sont des gros crados. C'était à Nîmes. Je me désolidarise. Voilà. À Nîmes, alors à Nîmes, par contre. Je me désolidarise totalement. Bien et sûr. Voilà. Bien sûr. Il y avait de la boue sur la Toulouse. Et à un moment donné, je m'agace un peu parce qu'il y a encore des gens et je dis bon, je ne fais plus de chaussures. Et il y a quelqu'un qui me montre en bas. Et je dis non, j'ai dit là, stop les chaussures quoi. Et il me dit non, c'est pas une chaussure. Et c'était une jambe de bois, tout simplement. Avec des petits orteils sculptés. Ah oui, ça c'est pas mal, dans le détail. Et le gars, très très bonne ambiance, il m'a dit ah frérot, et franchement bah, c'était marrant. Et je lui ai signé la jambe de bois, ça c'est un classique. Et la photo est ressortie sur Twitter, j'ai vu derrière. Surtout il a revendu sa jambe de bois sur Twitter. Il ne marche plus d'ailleurs. Ouais, il voit, c'était ça, simplement. 40 euros. Moi j'ai un exemple, mais ça va gâcher un peu l'ambiance. Bon, non, vas-y, arrête. Mais des fois, c'est des trucs de. C'est très dur, hein, ce que je vais dire. Ouh, attention, les pères font mal. Non, c'est des trucs où les gens sont décédés et qui étaient fans, et j'ai déjà signé des trucs qui parfois les suivent, tu sais, qui sont mis dans le cercueil genre. Donc, c'est souvent touchant. C'est souvent touchant, c'est assez classe. Mais t'as pas là dans ce cas-là, t'as pas une espèce de méga pression du mot que tu dois mettre? Est-ce que tu fais que un autographe ou est-ce que tu mets un petit message? On essaie toujours de trouver quelque chose de fort, mais c'est surtout parler avec les proches, etc. Un jeu de mots avec la cause de la mort, comme ça. Il y a une nouvelle mode là en ce moment. Ah, c'est dommage, Oli. C'est peut-être la dernière fois. C'est clairement la dernière fois. La nouvelle mode en ce moment, c'est de nous demander des petits dessins et ils se les font tatouer. Ah oui. Et la dernière fois, je n'avais aucune inspiration. Il y a plein de stars qui font ça, j'ai l'impression. Et ouais, j'espère qu'elle l'a pas fait quoi. T'as dessiné quoi? Une étoile avec un smiley. J'étais fatigué. C'était nul à chier. J'espère qu'elle l'a pas souvent, fait. Souvent, on demande. Moi, je prends beaucoup le temps de parler avec les gens. Je leur dis, vous êtes sûr? Ouais. Attends, on regrette pas. Peut-être, si ça se trouve, t'aimes plus notre musique dans 2 ans. Non, moi, je fais, je bâcle. Mais non, pas du tout. Arrête. Mais vous avez des tatouages vous ou pas? Oui, vous avez le truc de McFly Kaito. Ouais, là, mais sinon, après, moi, j'ai un tatouage où il y a le nom de mon école primaire que j'ai fait avec 10 potes de l'école. Oh, stylé. En soirée sur un coup de tête. Okay. Et un tatouage avec mon frère avec marqué Hermanos. C'est Flo qui me l'a écrit. Oh. Ça veut dire frère en espagnol. Mais non, je connais bien. Hermanos. Bah, je suis 25% espagnol. Et vous? Non, c'est vrai? Rien. Aucun tatouage. Zéro tatouage, moi. Non, pas encore. Méniel? Ma mère s'appelait Amador. Ah oui, putain, ouais, c'est beau ça. Donc, c'est très très beau. Peut-être pire anecdote de photo qu'on m'ait demandé. Ah oui, s'en supplie. Juste sur les tatouages, ça me rappelle le mec s'était fait tatouer. Je sais pas si vous avez vu, le mec s'était fait tatouer le visage de Rof et qu'il l'avait tweeté en lui disant hey, regarde. Et je crois que Rof il avait répondu genre retire frère, c'est juste de la musique. Un truc comme ça, genre. Oh non, très bonne réponse. Très belle réponse. Waouh. Anecdote de photo. Le pire photo, j'étais à l'enterrement du père de mon meilleur pote, donc quand même une ambiance dark. Ouais, pas la meilleure. En tout cas, voilà, ouais. Donc vraiment ambiance, voilà. Moi, j'essaye d'être là pour mon poteau. On est tous en larmes et tout, et je vois un gars arriver de loin là, comme ça, et s'approcher de moi. Et tu reconnais tout de suite, de toute façon, les gens qui te reconnaissent. Oui. Tu vois. Mais, en fait, à ce moment-là, je veux pas y croire. Je me dis, il peut pas. C'est impossible. Il va forcément dire autre chose. C'est impossible. Ouais. Et il m'a demandé un selfie dans le crématorium, vraiment. Mais surtout que s'il était là, c'est que lui aussi demandait oui un truc. Mais oui, il connaissait. Hommage. C'était un cousin ou un truc comme ça. Ah putain. Il me fait ah, c'est un gars de la famille du pote. Oui. Oh là là. Il me fait. Alors. Oh, mais il écoutera jamais ça. Et il me fait, je peux avoir une photo? Et j'ai. Mec, on peut aller au moins à l'extérieur. Est-ce qu'on peut aller au moins dans le cimetière? C'était horrible. C'était... Meilleur délire quand même. C'était horrible. Dit, moi, je rêve un peu de voir cette photo. Moi, je lui aurais demandé, tu peux me l'envoyer en airdrop la photo quand même. Allez, pour que je puisse la voir. Mais moi, il m'était arrivé ça. Mais en plus, c'était pathétique parce que c'était donc c'était quelqu'un de la famille de mon ex qui était décédé. Et donc j'étais là, j'étais en train de. J'attendais pour présenter mes condoléances à la veuve. Ouais, bien sûr, et, ouais, et je vois derrière son petit-fils qui me regarde et tout, et je vois qu'il me reconnaît, mais du coup je suis genre ah, putain, je connais personne moi, c'est enfin tu vois ça encore ça va pour le et début ça va ouais. Et après il vient me voir et il dit vous êtes Adrien Maine, Genre ils savaient pas vraiment que j'étais en plus. Donc vraiment j'étais mec. En plus, vraiment, c'est-à-dire que tu m'aimes pas tellement en plus quoi. Donc ne me dérange pas un enterrement. Ça réussit à pas être désagréable et à juste dire non, ouais, ouais, ouais. Oui, oui, mais j'ai dit ouais, non, Méniel, mais ouais, ouais, ouais. Moi j'arrive pas, c'est des magots, mais j'arrive pas à refuser. C'est un problème que j'ai. Du coup, t'as eu des situations vénères ? Et j'ai tout eu. Ah ouais ? Toutes les possibilités. Je t'en demande une. J'ai eu une allergie un jour et je me suis retrouvé à l'hôpital. Il m'avait piqué le cul pour en mettant de l'adrénaline et tout. Ah oui. Et j'étais gonflé, torse nu avec des électrocardiogrammes. Ah oui, je me souviens de cette photo, elle est incroyable. Et là, il y a eu un mot dans l'hôpital où t'as tout l'hôpital qui est passé. Et moi, j'étais un peu défoncé parce qu'il m'avait mis des calmants et tout. J'ai pas réussi à dire non parce que j'ai dit c'est mythique en fait. Ouais, les électrodes. Je me suis dit c'est un truc de fou. Ouais. Et je sais, et ça c'est assez intéressant, dites-moi si c'est trop long, mais non, c'est assez intéressant de voir le regard de nos proches qui eux n'ont pas forcément l'habitude. Ouais. Et qui sont. Et là, je sais que j'avais un pote qui m'avait accompagné, il était juste allé prendre au distributeur une boisson, et il était revenu, il était presque en larmes en disant c'est pas possible, ouais, ça me choque et tout. Et moi en fait j'arrive pas à en vouloir aux gens, et j'en parle à un moment, il y a un truc dans notre docu où on a une discussion, on n'est pas d'accord avec Flo. T'en parles aussi dans notre album qui est sorti, qui est disponible partout là, t'en parles beaucoup, nous, ça, ouais, bien sûr. T'avais une autre anecdote ? Non, je voulais demander si c'était le personnel soignant qui venait de prendre en photo ou d'autres patients. C'était tout le monde, j'ai dû faire une dizaine de photos. Ouais, il y a eu les infirmières, ça, c'est abusé, des gens malades aussi, des gens à côté qui devaient ça, à la limite, les gens malades, tu dis bon bah au moins ça oui, de malade à malade, quoi. Bon, tu après, vois. Les infirmières ont tellement une vie de merde aussi, mais il y a un côté genre peut-être attendez que je sois sur pied. Au moins, ouais. Pas, mais moi j'ai un problème qu'il faudra que je règle, mais j'ai... Et je donne mon corps, j'ai dit mon cœur, tu vois, je donne mon corps à la science, quoi. Au public. Non, mais pas au public, mais à la science, ça m'a jamais gêné, quoi. Ouais. J'en ai une petite dernière, si ça vas-y, te dit. Je t'en supplie. Tu manges ça, quoi, comme des petits chips. J'en ai une meilleure, Flo. Ah, non, j'en ai une meilleure. Je te jure que j'en ai une meilleure. Allez, bon, chacun un et le genre jugeront sur Twitter. Déjà, c'est pas un concours. D'abord, Flo, et ensuite. Vas-y, Flo. C'est pas un concours d'anecdotes. J'avais des analyses à faire pour mon ventre. Donc, du coup, c'était des grosses analyses. Et j'ai rempli. Des analyses. Bah, je vais tout te dire. Non, mais t'inquiète. Chier dans une boîte. Je vais tout te dire. Je suis au flou de cast là. Je suis sans filtre aujourd'hui. Je la connais. Parce que je crois que je te l'ai raconté dans une soirée privée. C'est allez. Ça. Et je t'ai dit que moi aussi j'avais chié dans une boîte. C'est vrai. Ouais. Frère, tous ceux qui ont chié dans une boîte, on est ensemble. Mais tous ici, non. Moi j'ai jamais chié dans une boîte. Non, mais jamais pissé, hein. Pissé ou chié. J'ai déjà fait, mais pas dans une boîte. T'as jamais pissé dans une boîte pour les analyses ? Non. Ah attends, si, ouais, si. Salaud, si tu l'as pas fait, t'as raté des étapes. Enfin, c'est possible, tu as dit t'as pas de. J'ai pas de numéro de sécu, moi. Donc, mais oui, mais. Ouais, c'est fou. Mais c'est une autre histoire. Mais quoi ouais, c'est fou. Jacques Mérine. Je suis plus ou moins Jacques Mérine. Hors de la grille. C'est dingue. Ouais, bon. Donc, finis ton histoire. Là, je devais remplir. J'avais jamais vu ça de ma vie. C'était pas un petit pot de pisse, c'était un bidon entier de pisse. Un jerrycan. Un jerrycan de lait. Je l'ai fait aussi. Les urines de 3 jours, je sais pas quoi. Oui, tu dois le mettre dans le frigo. C'est horrible. Alors, tu dois le boire, trop bizarre. Ils m'ont dit de le mettre au frais. Tu l'as mal fait, toi. T'as laissé des germes. Ils m'ont dit de le mettre au frais et moi je pissais devant mon frigo. C'était horrible. Dans le frigo directement. Une boîte. Non. Tu lâches la bouteille dedans. J'arrive au laboratoire avec une énorme bouteille de pisse et un gros pot de merde. Une boîte. Donc je suis. Deux en même temps, t'as fait. Oui. Mais c'est ton livre pour enfants, ça, je crois. bouteille de pisse et pot de merde. C'est fou. Bouteille de pisse et pot de merde. Je dirais qu'elle est pas dans l'album, celle-là. C'était l'air de Bob Moran d'ailleurs. Un peu. Et donc j'arrive à l'accueil, je suis hyper gêné. La meuf, j'avais tout emballé dans double sac pour pas qu'elle voie. Ah oui. Elle me demande de sortir pour mettre les étiquettes avec mon nom sur mon truc. Et je suis hyper malaise. Et franchement, j'avais l'impression qu'elle me reconnaissait pas. Et j'étais très content, machin. Et au moment où je pars après avoir laissé donc ma merde sur le comptoir et tout, dis donc, gangsta. Elle fait juste s'il vous plaît, j'ai deux amis qui se marient, vous pouvez faire une vidéo. Et du coup, j'ai fait une vidéo ça de mariage. Franchement, ça me choque alors pas. Alors qu'il y avait ma merde là, juste à côté. Une petite merde à côté. Avec la merde à côté. La moi scène si, est drôle. Moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît. Ma merde et ma pisse à côté, ça j'aime va mieux. Pas. J'ajoute une mini critique à l'anecdote. J'aime que à chaque fois que Florent raconte une anecdote, la voix est différente. Les gens ont tout le temps la même voix. Toi, tu as plusieurs voix. Tu l'as fait souvent. Oui, mais t'en as plusieurs. Ça fait plaisir. Avec l'accent du sud. J'en ai 3-4. Il y a un truc presque méprisant pour les gens. Nos origines. Ton anecdote. Moi, c'était le début de notre popularité, c'était un peu après les Rap Contenders, donc j'avais 15-16 ans, et c'était les premières photos, etc. Et je me souviens, j'avais eu un problème perso, je sais même plus quoi, comme quoi ça veut dire beaucoup sur la vie, parce que je pleurais et je sais même plus pourquoi. Okay. Donc vous prenez pas trop la tête. Moi, j'étais dans le métro et je pleurais comme un con, comme ça, je sais plus, j'avais un gros truc. J'étais là et je pleurais. Il y a un mec qui me dit: putain, Oli, on peut faire une photo et tout. Oh, et je fais: ouais, vas-y. Oh non. Oh, ça fait de la peine. C'était vraiment le début. Et du coup, j'étais là en train de pleurer. Je fais: oh, non, elle me fait de la peine cette histoire. Et à la défense du mec, je crois, tu sais, je devais pleurer un peu la. C'est con parce que je vais imiter alors que c'est un truc. Non, vocal, mais vas-y, je décris. Mais il a la tête dans ses mains. C'est l'album de Kendrick Lamar. Je pleurais la tête comme ça et tout. Et le gars, à sa défense, il a pas dû voir que je pleurais. Il avait un casque. Ah, oui, il oui, a bien dû sûr, être sur l'effervescent, l'excitation. Ouais. Et je fais: oui, vas-y. Et du coup, il doit avoir une photo de moi. De l'avoir, cette les photo. Yeux rouges. Oh là là, et en pleurs au fond du métro. Non, mais il a pas vu Toulousain. Que quand t'as enlevé tes mains, que je pleurais, quoi. Et peut-être qu'il s'est dit: bah, trop tard. J'ai pas réussi. Oli, il est tellement gentil. Une fois, il a fait une photo pour un resto de raclette. Ils lui ont dit juste une photo. Il a dit: oh, oui, putain, ils ont sponsorisé la photo dans tout Toulouse. Genre, ils ont mis genre 3000 euros. On fait une affiche. Tout l'insta de Toulouse a vu Oli à la table de raclette. Et du coup, tout le monde m'écrivait en mode: putain, ils vont son cul à n'importe qui, Oli. Non, mais tu sais, les gens, ils me disaient pas le truc de raclette est un peu poussé. Pas tout, un super partenariat, quoi. Ouais. Ils ont cru qu'il avait pris de l'argent. Entre Célio et le coq sportif, la raclette, c'est pas dingue quand même. On arrête de. Voilà, on se plaint de notre vie d'artiste. Mais non, mais c'est rigolo, pas du tout, parce que c'est toujours un plaisir, moi. Mais moi, récemment, j'ai eu un truc un peu marrant. Toujours. J'ai eu un truc un peu marrant. J'étais avec ma fille en porte-bébé et quelqu'un demande des photos. Et je dis: bah non, parce que tu vois, ma fille était côté. Enfin, je veux pas qu'il y ait des photos solo, de ma fille, tu vois. Solo, bah voilà, il avait mon bébé. Il se prend. Je voulais la photo. Cacher sa fille. Le gars m'a proposé de cacher le visage de ma fille. Il dit: non, mais je la floute sur Insta. Je dis: oui, mais c'est pas ça le problème, quoi, tu vois. C'est un peu gênant. Très bizarre. Ouais. Très bizarre. Il y a des trucs bizarres. J'ai fini par faire la photo en me mettant derrière lui. Et juste... en fait, la photo, c'est genre une affiche pas ouf de duo de comique. Est-ce qu'on peut juste faire une parenthèse pour parler de ta photo avec Judd Apatow, en fait? Ah, mais je comptais y venir. Okay, j'ai un truc un peu plus tard sur. Elle est sur Insta. C'est qui? Sur Insta. C'est le idole de. Il a juste croisé son idole. Franchement, c'est mon idole. Stand-up? En vrai de vrai. Non, réalisateur. Scénariste. Dis-moi un film. 40 ans toujours puceau. Ah oui? Ouais, voilà. Je vois de loin. Ouais. Voilà. De l'autre. Il a produit des trucs peut-être que tu connais. Funny People, le film avec Adam Sandler. C'est sûr que t'as sur les comiques un peu déprimés. C'est sûr que bah, vu que t'as l'air d'adorer le stand-up et tout, je pense que c'est le meilleur film que t'as film pour dû toi. J'ai dû voir. Mais j'ai encore quelques objets collector qui ont été remis. Ah, mais oui, pardon, j'avais oublié le principal de l'émission. Pardon, c'est le podcast, c'est ça qui est génial. Putain, en fait, les mecs. Vous connaissez le rap? Je suis Fred Musa. Il y a combien d'écoutes là en live? En live, c'est pas en direct. D'accord, pardon. Mais sûrement un bon 800 000. Ça sub beaucoup. Un t-shirt collector d'un concert à Toulouse où vous êtes dessiné devant un stade. C'est le t-shirt qu'on a fait uniquement pour le stadium en mode premium. Je le prends mal qu'elle le vende ou qu'ils le vendent. Ouais. Il y en a eu plein. Je vends le t-shirt de Big Flo et Oli, édition limitée. Il y en a eu 60 000. 50 euros max. Sorti pour leur mythique concert au stadium de Toulouse. 70 balles. 130 balles. Oh putain, t'avais raison. 130 balles. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas vendu aussi. La personne dit: les offres non sérieuses, merci de s'abstenir. Oh waouh. Mec a pas envie. Genre, c'est sur Vinted. Molo. C'est sur Vinted. Ouais. C'est sur Vinted. Excusez-moi, je me fais livrer un cappuccino. Voilà, oh, mais quelle merde. En plus, il a vraiment dit cappuccino. Il pouvait pas dire un café parce que c'est pas assez merci, stylé monsieur. Pour lui. Non, mais c'est juste dire un café. Une baguette de batterie utilisée par Big Flo lors de la tournée La Vie de Rêve. Putain. Ça a été donné par Bobby à la fin de la nuit solidaire le 12 février 2020, juste avant le Covid. Je l'ai acheté sur Vinted à un gros prix, d'où le prix de revente. La baguette est légèrement abîmée, mais c'est les coups sur la batterie qui les a créés, pas moi. Objet rare car ouais, une seule. Déjà, il se justifie trop, donc c'est clairement lui qui l'a abîmé. Alors, objet rare car une seule est dans la nature. Mais c'est possible, j'en ai cassé des baguettes sur le. Mais c'est non, mais le message est très mignon. Qu'elle et qu'elle le revend. Non, le message est mignon. Je m'en sépare parce que je n'en ai pas l'utilité et je préfère la vendre à quelqu'un qui la veut réellement. Non, mytho. J'en ai pas l'utilité. Il n'y a aucune utilité à cet objet. Déjà, de base, genre, j'avais de quoi acheter des baguettes. Je vais faire plein de trucs avec. À 5 euros. La photo est prise devant un grand bras. Trop de trucs avec. Puis finalement, ah non. Ah, donc elle reste fan, mais elle vend l'objet. C'est un fan, mais je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être en galère de thunes. Peut-être. Ça a l'air jeune. Il hein. Pas ah dire oui, qui ouais, dit j'en ai pas l'utilité. Là, faut vendre. Ou alors elle le vend pour acheter d'autres objets Big Flowly qui l'intéressent plus. Peut-être. C'est peut-être le t-shirt du gars. 200 balles. Non, c'est un peu moins. 80. Un petit peu plus. Ah, c'est une grande fan de Big Flowly parce qu'elle vend beaucoup de choses. Elle vend plein de choses. Elle n'est peut-être malheureusement plus. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des singles, il y a l'album de votre père. Ah non, mais elle revend tout. Attends, où est mon suite? Il y a des mec, il y a un suite. Il y a un suite de. Descends. Le suite noir, clique. Attends, lequel? Là, avec la pizza marquée. La pizza, ça mais c'est un suite à moi que j'ai perdu. Mais non. Montre la description. Non, mais non. Ou dis à Kobla, jamais porté bon état. Non, elle fait pas référence à toi. Ouais, elle fait pas référence à toi. Attends, mec, c'est. Mais bon, c'est si, elle le mettrait, attends, tu l'as donné, c'est un fan. Non, mais elle le met, elle le vend 8 euros. Donc ça, je pense pas que ce soit à toi. Ou alors elle l'a acheté par rapport au fait. Non, la baguette. Ah oui, ça doit être ça. La baguette, vous étiez. Ah. Oui, par contre, ça doit être ça. La baguette, c'est pas loin, elle le vend mais 80 euros. Il y a, quand même, il s'est passé quelque chose quand même. Parce que même un t-shirt qui lui rappelle toi. Ah ouais, elle nous déteste. Elle en veut pas. Je pense qu'il s'est passé un truc. Putain, je suis dégoûté. Ça, c'est dur, tu sais, des fois. Je sais pas si ça vous arrive. J'ai touché l'enregistrement là. Je sais pas si ça vous arrive, mais. Tu sais, des fois dans la rue là, il y a des gens qui disent putain, moi je vous adorais, mais je vous adorais. Au passé, ouais, au passé. Tu sais, ou qui citent des trucs très lointains et pas les trucs récents, quoi. Et ils disent putain, mais je te jure, comment moi il fait kiffer. Bon, j'écoute plus du tout, tu sais, ils te l'envoient en pleine gueule, poire comme ça. Ouais, mais même des fois ils font des critiques, c'est très bizarre. Ouais, des fois. Des fois, ils avaient un truc de ouais, voilà. Ça, bon, moi c'est vrai que j'ai moins aimé, mais je fais ouf, je t'ai pas demandé. Des gens qui peuvent pas te faire un compliment sans dire un truc négatif après pour dire. Ils ont peur de passer pour des fous, je pense qu'il y a un truc un peu comme ça. C'est vrai, ils sont juste vexants. Et méchant. Une lampe 3D de vos deux visages, faites main. Oh waouh. C'est sur eBay. Les espèces de cubes là. Alors rassurez-vous. Non, mais dans le footcast, il y a le temps, Lee. Là, on peut. On n'est pas en média tradi. Tout va bien, tout va bien. Ça dure combien de temps le footcast? 4 heures à peu près. Ah quand même. Ouais, quand même. Ça dure. Il est dégoûté. Un peu déçu. C'est une lampe. Le gars, il regarde le temps qui reste. Il a les yeux rivés. T'inquiète. Sur le chrono. Non, mais là, tu peux partir quand tu veux. J'ai fait 5 minutes de kiff, mais après. J'ai compris. Non, moi, je veux que ça dure. Je suis fan, les gars. C'est une lampe 3D, mais qui est pas faite par des fans. C'est pas genre quelqu'un qui vous aime beaucoup. Mais attends, lampe 3D, on est d'accord que c'est les cubes en plexiglas avec leur tête dedans, là. C'est ça. Sachant qu'en fait, c'est une entreprise qui en fait 1 milliard. Il y a autant du Naruto que des motos que vos deux visages. 40 balles. $26. Ouais. 26 dollars. Je vous montre évidemment, c'est très bien fait. Vous allez vraiment vous en prendre plein la gueule. Voilà, c'est vos deux visages. C'est un dessin qui avait été fait par un artiste, c'est pas humain. Ouais, ah, donc il reprend l'image. Ça ouais. Je lui ferai un procès. Écoute-moi bien, je lui ferai un procès. Il y aura 6 avocats, il perdra tout. Bah, comme nous, il y avait du faux merch podcast. Et la flamme aussi, la flamme. La flamme, il reprenait des phrases de la série. Et bah, tout le délire de la Jean-Guil, par exemple, il y avait plein de t-shirts. Mais il doit en avoir beaucoup. Je peux pas, j'ai Jean-Guil ou des conneries comme ça. C'est moins étonnant sur la flamme que. Enfin, nous, on se disait, mais attends, genre, il y a des mecs. Et c'est des boutiques aux États-Unis, on pouvait rien faire. Oui, c'est ça en plus. C'était vraiment mais, des mais mecs. Mais là, pour la flamme, vous avez trouvé des solutions parce qu'il doit en avoir plein des problèmes. Bah, je sais pas, moi je suis en plus vrai, trop dessus, mais je crois que tu peux pas faire grand chose. Je pense que c'est une bagarre tellement perdue. C'est les mecs, ils le font avec. En fait, on fait pas que se plaindre notre vie de star là. Mais non, mais c'est intéressant, c'est vrai. Ce matin, je regardais une vidéo YouTube d'un américain, enfin je sais pas qui c'est le mec. C'était une vidéo sur MF Doom. Okay. Et il parle de MF Doom et comment tous les autres rappeurs le citent tout le temps et tout. Et au milieu de la vidéo, il dit, au fait, je vends des pendentifs et des bagues avec le masque de MF Doom. Et tu fais, Tu te rends fou de rage, toi. Mais non, mais tu dis, mec, c'est pas du, enfin, ça t'appartient pas du tout. Enfin, c'est trop bizarre. Donc, je pense que c'est vraiment. C'est peine perdue quoi. Enfin, tu vas sur des sites où tu peux faire tes t-shirts toi-même. Après, c'est le gars. Tu as des artistes qui font des fan art et qui les vendent. Enfin, le gars est décédé. Donc est-ce que ouais mais il a une oui il a des enfin, familles il a une qui peuvent femme, qui ont des familles en fait. Il a une ouais il a un truc d'artiste qu'il faut respecter aussi. Puis même non mais c'est bizarre tu vois tu dis je fais une vidéo sur lui au fait je me fais des sous sur lui. Moi je le dis en direct dans le podcast, quand je serai décédé mon image elle vous appartiendra, vous faites ce que vous voulez. Ah ouais voilà, mais, c'est officiel. Mais là de ton vivant non par contre. Ah non là il me faut un max de fric. J'en ai plus qu'un. Genre s'il y a un t-shirt avec le même je te banne par exemple. Ah ça un petit t-shirt. Il verrait ça avec mes 6 avocats tous habillés en Yves Saint Laurent. Il perdra sûrement tout sa baraque, tout, on lui prendra tout ce qu'on peut prendre, on pas de baraque je pense. J'en ai un dernier ce qui me fait rire, une enceinte Bluetooth plus 2 albums de Big Flo et Oli. Il a gavé. Mais c'est quoi ce truc? Mais sur le beau coin. On est d'accord que l'enceinte Bluetooth n'a rien à voir. N'a rien à voir. Je vous montre. C'est comme quand ils vendent les consoles avec deux jeux. Ça me fait beaucoup rire. C'est vrai, il y a une enceinte Bluetooth et 2 albums de Big Flo et Oli. Donc c'est même pas genre. C'est même pas. Il vend un truc qui lit des CD. 100 balles. Non, beaucoup moins. 20 balles. 35 balles. Un petit 35 balles. Ça vaut le coup par contre. Ouais, il dit en plus les albums sont en excellent état et l'enceinte aussi. À mon avis, il a pas pris les plus méchants, mais. Je pense que tu dois trouver des albums tout. De Big Flo et Oli à 1€. Hein, ah oui, mais ça, c'est pas rigolo. Je regarde jamais ça et ça me donne envie d'aller voir ce qui se vend un peu. Non, mais il y a des trucs très rigolos. Il y a des trucs très rigolos. On parlait tout à l'heure de fans. On peut peut-être raconter l'anecdote. Dis, vas-y. D'un pote à nous. Je vais essayer d'être le plus vague possible pour pas que je sois identifié. Mais en gros, il avait produit un objet culturel à un moment dans sa carrière. Et il l'avait dédicacé à son proche. Ex à son ex on peut dire ça. Enfin sa meuf à l'époque Et qui est-ce qu'il avait retrouvé dans C'est moi. C'est toi, et Flo. Parce que moi, je vais dans les cages converteurs. J'adore aller dans les cages converteurs. Ah, oui. On en parlera peut-être un peu plus tard. Olivier, toi, mais... t'adores ça aussi ? Non. Ah non. Putain. Non, mais ça existait encore ? Ouais. Il y a eu les 11 commandements. C'est bon, on a déjà eu une info commun. Et donc oui voilà, je reprends le flambeau du coup, j'étais dans un cache converteur et je vois cet objet culturel. Non mais c'est ouf. Je le prends en photo et je l'envoie à la personne en disant bah dis donc, il y a un de tes proches, bah dis donc, il doit pas être très fan parce que il a revendu ton truc. Et donc effectivement, ah oui, c'était je l'ai raconté mal. T'as dit la chute un peu avant le truc, mais tu le vois avec la dédicace quoi. La dédicace ne disait gâché, la dédicace ne parlait pas que c'était son ex, mais quand je l'envoie à la personne, il me fait oui, c'est mon ex. Est-ce que tu peux t'en débarrasser s'il te plaît? L'ex a vendu l'objet culturel de son ex. Ça fait mal, mais c'est la règle. C'est là, après, le, tu peux la le page, jeter, le vendre, limite. Tant qu'à faire un petit bénéf. 2 euros à cash converter. Donc, en 2 euros, oui, c'est vraiment peu. Bah ouais, ouais. On parlait dédicace, on parlait photo. Vous avez un feat avec Vald où vous parlez du fait d'être fan. Et c'est vrai que vous avez beaucoup, c'est ce qu'on fait aussi nous souvent dans le podcast, on cite beaucoup les influences. Vous avez fait aussi des feats avec des anciens. Vous pensez que ça apporte quoi? C'est ma question un petit peu Augustin Trapenard. Vous pensez que ça apporte quoi à un artiste de rencontrer ses idoles et dans votre cas de travailler avec ses idoles? On va perdre beaucoup de gens. Non, pas du tout. Je pense que c'est intéressant, justement. Écoute, qu'est-ce que ça apporte? Attends, il faut que je réfléchisse un peu pour te faire une bonne réponse. T'inquiète. Ça fait plaisir. Je pense. Ça fait plaisir, tu vois ce que je veux dire. En vrai, c'est surtout les conseils. Quand les mecs sont sympas et intelligents, quand tu t'en rends compte, en plus que t'es fan, tu prends des conseils et c'est vraiment les anciens, comme Ayam disait, quand tu allais, je revenais, ils avaient ce son-là. Mm-hmm. En vrai, il y a un peu de ça quand même. Je pense à plus de poids. Quand c'est quelqu'un que t'admires, ça se trouve un pote te dit la même chose, mais quand c'est genre MC Solar ou Akhenaton qui te dit ça te marque. Après, je crois que c'est des fois c'est pas toujours bien. J'imagine que c'est bien de garder un fantasme un peu artistique et de pas forcément rencontrer toutes les personnes que tu kiffes artistiquement. C'est marrant, moi j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Il y a toujours cette phrase, rencontrez jamais vos idoles. Ouais. Moi vraiment toutes celles que j'ai rencontrées, pour le moment je suis en mai en tout cas. Ça s'est bien passé. J'étais pas 1000 idoles. Mais toutes celles que j'ai croisées ont été à minima sympas et polies, tu vois. Enfin, j'ai pas eu ce truc de waouh, ok, en fait c'est un connard. Mais peut-être parce que c'est peut-être des gens que j'ai pas fréquenté assez longtemps. Après, peut-être que t'es pas influencé par ça. Moi, je sais que dès que je croise un artiste, peu importe que ça soit de la musique ou de l'art, et que je vois que le gars il est bizarre ou qu'il se comporte mal, j'ai du mal à l'écouter. Quoi. Ouais, ouais. C'est horrible. Séparer l'homme alors de l'artiste. Alors que Flo, je sais qu'il s'en fout total. Moi, un artiste peut me pisser dessus en public. Vraiment, si j'aime vraiment beaucoup ces morceaux, si j'aime ces sons, bah, je vais écouter. Je dis, c'est pas pareil, c'est ces morceaux, tu vois. Pour revenir sur le truc, je crois aussi que c'est la fin aussi d'un chemin. J'ai l'impression qu'un idole artistique, c'est une influence. Et quand t'arrives à faire un truc avec lui, tu clôtures quelque chose. Et j'ai l'impression que tu peux, à toi ensuite, prendre le relais et devenir l'influence de quelqu'un d'autre qui viendra peut-être clôturer ce chemin avec toi-même en fait. Oui, puis j'ai l'impression plus, que c'est un peu ça. Pardon. Non mais en plus c'est la preuve que t'as digéré ton influence, parce qu'en fait si tu faisais la même chose que lui, il kifferait pas, il dirait bah tu m'imites juste. Ouais, alors exactement. Que du coup t'as été influencé et tu fais un truc qui lui plaît, il y a un truc. Je suis totalement d'accord, c'est vrai. Ouais. Mais moi j'ai c'est assez beau finalement dans cette forme de cycle artistique, il y a un truc fort, je trouve. Tu te rends compte aussi que c'est un être humain normal, parce que des fois on a tendance à les surévaluer et tu vois c'est qu'il ça, l'erreur en fait. Il a eu les mêmes peurs que toi, les mêmes doutes, d'aller passer par les mêmes trucs, ça te rassure de te dire ah ok, en fait c'est pas moi qui suis une énorme merde, on est tous dans la galère quoi. Mais moi j'ai 2-3 artistes en tête où j'ai quand même un truc de petit fan, de j'ai peur de le déranger, donc je fais non mais là j'ai pas envoyé de texto et tout machin. Mine de rien, je trouve que c'est malgré tout, même si je suis à l'aise et tout, nous c'est pareil, ça c'est un tu vois, mais c'est intéressant. Ah ouais. C'est toujours ancré au fond de toi où tu dis ouais non mais là on n'est pas si proche non plus, ça reste quand même c'est devenu des potes et on est encore choqué quand ils nous écrivent. Tu peux faire du name drop Non, mais il y en a plein. Il a dit name drop. Il y a des, par exemple, des stars énormes. Genre. Des stars énormes. La pierre tombale, pour être toujours dans la bonne ambiance. La pierre tombale d'un père de famille a fait polémique aux États-Unis dans l'Iowa. À votre avis, pour quelle raison? Et ce n'était pas, il y avait une photo de Big Flo devant. Il y avait sa voix enregistrée. Non, il y avait forcément sur la pierre tombale. Une pub dessus. Non, pas une pub. Mais une seule, je serais pas con. Il y avait mon mème de Je te banne. Gravé dessus. Non. T'as ramené à toi, mais c'était marrant. Quel monstre d'ego. J'ai voulu faire rire. Il y avait. Très marrante la chanson. Merci beaucoup. T'inquiète pas, on a reçu 0 question à ce sujet. 95% des questions c'est vrai, sont c'est public, ça touche le cœur de cible. Évidemment. Mon album est disponible Vous avez vu, je. J'ai du second degré. Elle est jeune, là, gros je front, me moque là. De moi-même et tout. Gros front, ouais. Achetez l'album là. Il y avait un slogan violent ou un truc raciste. Non, il avait un truc genre cryptique, genre bientôt vous me rejoindrez. Ou faites pas les malins, vous allez crever aussi. Non, pas un truc aussi vénère, mais. Dessus qu'a... Alors, la phrase est basique. Mais dedans, il y a des trucs qui font qu'il y a un petit message codé, quoi. Il y a un miroir dessus. Non, il n'y a pas un miroir. C'est écrit en fourche langue. Oh, mais t'es un geek. T'es un Potterhead, toi, Big Flo. Oui, tout à fait. Oh, Serpentars. J'ai plein d'objets des films. Oh. Des objets de... Oui, évidemment, j'allais dire. Bien sûr, évidemment que c'est pas des objets produits en masse. Non, des objets uniques. C'est la baguette film. De qui que t'as acheté déjà? La baguette de Rogue. Ah oui, ça, c'est pas mal. Et la plaque d'immatriculation de la voiture bleue volante d'un ah ouais, un livre de la bibliothèque de Dumbledore. Genre, là, ça, ils l'ont. Il y en avait, ils l'ont enlevé. Il y a 3-4 voitures qui ont été faites. Il y en a eu 3. Ah oui, bien sûr. C'est une des plaques. Comme la baguette, en fait. Et des pièces. La baguette, il y en a eu des milliers, sûrement. Je l'ai surpayé. Je t'ai fait arnaquer totalement. Et des pièces de Gringotts aussi. Des pièces de Gringotts. Ah, pas mal. Ouais, t'es fan de Harry Potter aussi, Oli? Oui, quand même. Attention, fan des films. Bizarrement. Ah. Parce que t'avais pas dit ça dans un bon moment déjà. J'ai l'impression d'avoir eu cette info. C'est un peu la même chose. C'est un dictionnaire humain. Il a besoin de rappeler. Il dit ma mémoire fonctionne encore. Laissez-moi. Non. En plus, ce qui est très court dans ce qu'il vient de dire. Ça peut aller que mieux la fin. C'est que il a dit, mais c'est pas du tout précis. Donc t'avais pas dit ça et il est même pas sûr. C'est même pas si tu sors un truc dans mémoire. Je rigole, je taquine, je me mets un peu dans le mood de votre émission. Un peu décalé, un peu passant rire, un peu ironique. Allez, mec, détente. On n'a pas la même vision de la détente. Il avait marqué. Non, mais c'est de la merde ce que tu viens de dire. C'est pour la détente que je dis ça. Il a dit un truc genre, il dénonce un truc sur sa femme ou un non. truc. Non, mais attends, le message est basique. Mais en gros, le message me dit c'est Father in our heart, until we meet again, cherished memories, no hat, our son, brother, father. Si tu prends la première lettre, ça dit quelque ça chose. Ça fait fuck off. Ah. Oh, ça fait fuck off. Bon, c'est marrant. Non, alors c'est pas lui qui a demandé, c'est la famille. Donc ça veut dire que la famille a dit ouais, papa, on t'aime et tout sur la pierre tombale, mais si tu regardes la phrase, il y a écrit. Va te rendre. C'est un mec qui était connu pour avoir un second degré ou quoi. Peut-être. Par contre, juste là, si je. Father in our heart, ça fait pas fuck. Non, c'est father. Oh. Il est précis. Non, mais tu vois, il ne lâche rien. C'est pour ça que j'adore ses temps. Non, mais c'est pour ça que je suis fan de ce gars. Il est précis. Regarde. Father in our heart, et après, until we meet again, c'est le début de chaque phrase. Ah oui, d'accord. Et oui, pas de chaque mot. Oui, d'accord. De chaque phrase, de chaque paragraphe, enfin, de chaque ligne en fait. Exactement. Il y a un humour un peu de cimetière, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des blagues. De trucs où c'est mi-glock, mi-drôle. On allait au Père Lachaise plusieurs fois avec Oli. On adore l'ambiance de là-bas. Et on cherche les meilleurs punchlines de mort. Bien sûr. Et je vous conseille d'aller vous renseigner et tout. Il y a des punchlines, mec. Il faut des couilles pour marquer ça. Philippe de Broca, je crois. Donc, c'est un réalisateur de films des années 70 avec Belmondo, tout ça. Il avait juste mis j'ai assez ri. Tu vois. J'ai assez ri. Waouh, c'est assez classe. Rigolé, quoi. Voilà, c'est bon, classe. J'en ai profité, quoi. Mais ouais. Mais moi, j'aurais trop peur. Il y a un peu un truc, genre, allez, c'est ma dernière phrase d'artiste. Ouais. Faut vraiment qu'elle soit bien, quoi. Bah, tu vois, l'as préparé, t'as tout le temps. Mais justement, je trouve que la pression, elle est folle. Quand t'es mort, ils te pardonnent tous, les gens. Même si elle est pas où, tu fais. J'ai voulu trouver une punchline drôle pour ma pierre tombale, j'ai rien trouvé. Ça, c'est une bio Twitter de 2005. Yes, on fait comme ça. Oui, c'est. J'essaye de rentrer dans votre petit univers, mais. Et après, cet enfoiré, après, il dit que je suis pas dans le ton de l'émission. Écoutez-moi bien, faut le dire. Oli et Adrien sont les mêmes personnes. C'est quelque chose qui est évident. C'est quelque chose qui est évident. Ah, t'as bien compris le ton de l'émission, toi. C'est vrai qu'on aurait 10 minutes après, on aurait dit une bio Tinder semi-originale, tu sais. J'ai pas trouvé quoi mettre. J'ai honte de moi. J'ai un truc dans la tête, c'est. J'ai l'impression que nos générations, on va beaucoup moins au cimetière. Il y a moins de gens enterrés. Oui, toi, tu y allais souvent. C'est bah ça non, mais, non, non, mais ils sont pas au cimetière, mes parents. Ah oui, c'est vrai. Mais non, moi, c'est marrant. On fait comme ça. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est peut-être chiant là, ce que je dis, mais non, pas du tout. Mais en fait, j'ai l'impression, moi, quand j'étais petit, je traînais beaucoup avec des vieilles de mon quartier, etc. Et je les accompagnais beaucoup au cimetière. C'était un rituel. Aller déposer des fleurs sur la tombe de leurs anciens maris ou de proches. J'ai l'impression que c'est plus du tout dans la tradition de nos sociétés, non dans... Bah, je pense que l'incinération a pris de la place aussi, donc il y a un peu moins de gens enterrés. C'est vrai, t'as raison. Ouais, ouais, mais moi, ils sont quand même dans des. Enfin, oui, oui, bien sûr, mais le recueil n'est pas pareil. Tu vois, il y a un truc de. Un mausolée. Je te parle pas forcément de religion, hein, mais. Non, non, moi non plus. Non, non, mais il y a un truc de recueil où quand la personne est enterrée, je crois qu'il y a un truc mental un peu peut-être de. Elle est là quelque part. Enfin, on est moins religieux aussi, je pense aussi. De quoi ? On est aussi moins religieux. Je pense que moi, tu crois pas à l'au-delà. Je suis pas religieux, mais je sais que. Que je suis déjà retourné. Ici, t'es dans un podcast 100% athée, mec. Donc, mais en même temps, justement, ce que je dis, je suis pas religieux, mais je suis retourné déjà devant des. Spirituel, quoi. Spirituellement, devant. J'ai même, pour te dire, j'ai joué. J'avais promis à quelqu'un qui est décédé de jouer un morceau, et j'ai jamais eu le cran de le faire parce que j'étais trop jeune, et je suis retourné le jouer tout seul. J'ai eu un truc un peu. Alors, pas aussi classe, mais moi, j'étais très proche de mon grand-père, et quand il est mort. J'ai pas réussi à aller à l'enterrement, j'avais 15 ans, tu vois, mais j'avais un truc mental Normal, je peux pas y aller, quoi, c'est trop dur. Mais mon père m'en a un peu voulu, c'était un peu un dos, quoi. C'est cool, c'est dur. C'est dur aussi, ouais, je comprends. C'est méga dur, c'est méga dur. Petite connivence. ouais, c'est vrai, attendez. Et bref, récemment. Ça, mon frère. T'es mon frère de sang, je vais t'avouer Manos, moi aussi. Je suis allé sur sa tombe et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors que je suis quelqu'un j'étais jamais allé dans un cimetière me recueillir. Bon. Je suis allé pour la première fois et mais t'y allais récemment alors. Ouais, récemment. Ah ouais, wow. Alors c'est pas parce qu'il y a un lien, j'en sais rien, mais l'année de naissance de quand j'ai su que ma meuf était enceinte, c'est beau, là. L'été je suis allé en Bourgogne et je sais pas, j'ai eu besoin. C'est un film français. Gilles Le Boucher dans le coin. Oui, voilà, c'est un truc un peu comme ça. Je voulais te dire. Et comment ça fait mal. Ce que j'ai jamais réussi à te dire, je vais te le dire maintenant. Papy, depuis que t'es parti. Bah quoi. Et il se dénonce lui-même. À quoi ça sert ce que je fais, la pute. Est-ce que chacun peut décrire sa tombe? De rêve ou ce qu'il a prévu. Ben moi je veux pas être enterré. Ça me met les poils, ça. Moi je veux être. Moi c'est mauvaise la ambiance. Ouais, moi je veux être incinéré, je crois. Ouais. Ok, pardon, Oli, excuse-moi. Ouais. Ça porte mal chance. Ouais. J'espère que vous kiffez bien en écoutant ce podcast. Mais même, tu peux me dire, je n'ai aucune envie d'en parler, mais la façon dont on célébrerait ta mort, t'as déjà pensé ou pas? Parce que t'es très proche de tous ces trucs-là quand même. Dans... Ouais, ouais. Non. Non. On bouge. En fait, je suis tellement fou que là j'ai envie de faire une incantation Maya pour qu'on enlève tout ça. Non, non, parce que tu vois, des fois il y a ce truc de je veux que ce soit festif. Si quelqu'un meurt, ce sera ma famille, t'inquiète pas. Regardez-moi. C'est horrible, je le connais pas, il me balance des trucs lourds dans la tête. Vous écoutez bien, dans la petite ville de Lockford, en Californie, un service du futur va être testé pour la première fois. Lequel? Un truc dont on parle depuis des Amazon années. Amazon Drone. Très bonne réponse. Prime Air. Amazon Drone, ouais. Amazon a annoncé que la livraison par drone allait prochainement faire ses débuts et être testée dans la petite ville de Lockford. Techniquement impossible, mec. Le géant du commerce en ligne a déclaré que les habitants souscrivant au service Prime Air pourront se faire livrer leurs commandes dans leur jardin en moins d'une heure. Oui, mais combien de drones ça veut dire? T'as vu les commandes qu'il y a par jour? Ouais, bien sûr. C'est impossible. Ça veut dire que le ciel, il est blindé. J'avoue que c'est. Il a pas écouté Amazon Prime Air, donc ça sera. C'est un service que tu payes. Ouais, je pense que c'est très cher. Très luxe. Prime Air. Je sens qu'un des premiers Français à l'avoir est dans cette pièce et remplit quelques stades. Pour vous dire à quel point je suis loin de vous. Ouais. Sur certains points. Non, mais pas en mode plus haut, mais différent. Je n'achète jamais sur Internet. C'est-à-dire que je crois que ça doit se compter. Sur mes doigts de la main, le nombre de fois où j'achète sur Internet. Franchement, pardon, Oli, tu es mon Hermanos. En vrai, moi, pas tant non plus. Ah ouais, mais t'es abonné à Amazon et moi, chaque je vais semaine. À la Fnac. Non, mais tu vois, moi, je vais à la Fnac, je vais à des trucs, j'achète pas grand. Je fais mes courses, j'achète rien sur Internet. Si un jour j'achète pas, je me sens pas bien, je crois. si je ne consomme pas au moins un truc, je deviens fou de rage. Je comble un vide en moi en achetant des trucs. Moi. Ah non, mais moi aussi. Des petites conneries, des petites babioles. Mais t'achètes sur Internet. Non, mais moi aussi. Non, mais moi, je suis comme vous. Moi, je suis très. En plus, moi, j'adore avoir des objets. C'est très. Voilà, j'achète mes légumes chez le maraîcher, en revanche. Oh, allez, oui, ça va, oui. La classe. Ça va, mais les poulains. C'est pour combler le vide de mon existence. Yes, tout ça. Les deux, la même chose, le même but. Geert et sa femme ont gagné 500 000 euros il y a 25 Comment ans. Comment, répète un peu Geert et sa femme. Geert. Bah, parce que c'est en Belgique. Et sa femme, elle n'a pas de prénom. Oh, j'en sais rien, c'est dans l'article. Il est woke. Big Flo, le woke. Allez, t'es woke. Geert et sa femme ont gagné 500 000 euros il y a 25 ans, mais il y a quelque chose qu'ils n'ont toujours pas fait depuis qu'ils ont gagné. À votre avis, c'est quoi? Combien d'argent? Baiser. 500 000 euros. Ils n'ont pas baisé. Ils n'ont pas retiré l'argent. Alors, ils ont retiré l'argent. Mais ils n'ont pas dépensé sur Internet. Ils l'ont dépensé sur Internet. Tu redis bien. Ah, ils se l'ont jamais dit l'un à l'autre. Alors, ils se le sont dit l'un à l'autre, mais tu t'approches, t'es vraiment c'est pas loin. C'est le mari qui a du coup caché à sa femme. Non, il l'a caché à quelqu'un d'autre. À leur fils. Allez, ils n'ont jamais dit à leur fils. Est-ce que c'est dans le but qu'ils restent, qu'ils grandissent pas comme des enfants de riches et qu'ils restent un peu humbles et tout? Alors c'est un peu ça. En fait, c'est c'est juste qu'ils veulent pas leur donner d'argent. Non, c'est que j'aurais voulu à mon père s'il m'avait pas dit qu'on était des riches à l'époque. Ah ouais, régalade. La vie elle change. Les glaces, les viennoiseries. Il a tout de suite dit les glaces. Ah ouais, les sales pauvres. Espèce de gros pauvre. Ça m'a manqué les glaces quand j'étais pauvre. Ça c'est pas un truc de riche. Je pense qu'ils achètent des glaces à leurs enfants, quoi. Les glaces, nous, nos parents, c'était les glaces. Oui, mais dans, enfin, tu vois. Les glaces avaient des petites boules, tu te souviens? Il fallait secouer. On dirait que ça coûtait 400 balles. C'était 3 euros, mon père, il voulait pas me les acheter. Bah non. Non, c'est qu'il pouvait pas aussi, certains mois. Aujourd'hui, j'achète tout ce qu'il y a, toutes les glaces. Tout, je les mange même pas. Je les regarde fondre. Je les pose sur une table. Achète une machine à faire des glaces. Oh, il est déjà sur Amazon, regarde-le. En fait, c'est un métier. Winner Advisor. C'est un métier qui existe. Des conseils? Qui donne des conseils aux gens qui viennent de gagner au loto. Je tente de les convaincre de ne le dire à personne, même pas à leurs enfants ou leurs meilleurs amis. C'est radical, oui, mais nécessaire. En règle générale, nous leur conseillons d'attendre au moins 3 semaines avant d'en parler à qui que ce soit. Et souvent, après ces 3 semaines, les gagnants ont retrouvé leurs esprits et ne souhaitent plus en parler à personne. Et il y en a beaucoup. J'avais vu un reportage. Des petits bâtards. Je sais plus si c'était Hugo Décrypte ou à la télé, mais j'avais vu un reportage où je crois qu'il y a un énorme pourcentage de personnes qui ne le disent pas. Bah, je comprends. Et des mecs qui sont vraiment multimillionnaires et qui gardent leur maison. Qui gardent leur métier. C'est du chrome sur mes jambes. Y avait un mec qui était masqué, je crois, on floutait son visage, il était postier encore, alors qu'il avait gagné genre 15 millions d'euros. C'est ouf. Bah oui, parce qu'en fait, ce que la meuf dit, j'arrête de bosser moi si je gagne 15 millions. Enfin, bon. Mais c'est ça, toi tu ferais quoi si là tu gagnais max de thunes? Est-ce que ça t'énerve aussi, Adrien? Les gens ils gagnent genre 6 millions et ils continuent leur vie. Ils disent non, moi je continue mon petit boulot. Ça m'énerve pas parce que chacun. Bah, ne joue pas alors, ne joue pas. Moi, ça me rend fou de rage, ça. Le mec il est là, je joue au loto et il gagne et il est là, moi je continue tout exactement je pareil. Je vois ce qu'il veut dire, c'est presque mais manque mais de respect. Mais tu me rends fou, joueur. Il y a des milliers de mecs qui veulent gagner. On est là, on veut partir, nous, à Miami. Pourquoi tu joues alors? Ils croisent leurs collègues, ils font, oh, je suis comme vous, hein. Ferme ta gueule. Ouais, voilà, c'est ça. T'es millionnaire, ferme ta gueule. Mais il y a plein des. J'ai une anecdote sur quelqu'un de millionnaire. Du monde YouTube, j'irai pas son nom. On est allé au restaurant. Sûrement Squeezie. Non, pas Squeezie. Et au moment de payer la pizza, on a fait. On a fait 50-50 et j'avais vraiment un truc de bon mec, tu peux me payer la pizza quand même. C'était le début de Golden. Ouais, tu vois, mais en fait, c'est dur. Enfin, tu vas le laisser ça? Je vais te biper. Moi, en tant que riche, il va savoir. En tant que riche, je respecte. Non, mais pardon. Non, vas-y. Flo, tu laisses pas. Pour moi, parler, c'est comme. Excuse-moi, je suis très excité, très émotionnel. Je suis très clivant comme personnage. 50% des gens m'aiment, 50% me détestent. Mais moi, je peux comprendre ça. Parce que c'est un peu comme au foot où, en gros, quand il y a une équipe qui est hyper forte, qui joue contre un tout petit club éclaté et tout. Genre, dans le sport, la philosophie dit tu te retiens pas de marquer des buts. Si tu dois leur mettre 13-0, tu leur mets 13-0 parce que sinon c'est leur manquer de respect de dire bah non, je vais pas tirer parce que sinon on va, tu vois. Et je trouve que bah il y a un peu de ça, de genre bah je vais pas t'offrir, du coup ça te met dans une position de pauvre toi, mais, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, si les gens en face avaient assuré à la personne qui avait gagné qu'ils avaient joué aussi. Parce que je parle dans le cas de la personne qui un fait mec 50-50 riche, est-ce qu'il est obligé de payer le café à la personne avec qui il le prend? Je comprends que ça, le mec question. Il dit on fait 50-50, il y a un côté bah oui, moi aussi en fait. Parce que sinon tu mets l'autre, le mec il me paye pas. Oui, tu mets l'autre. Moi j'ai plein de potes par exemple, souvent je vais inviter beaucoup, ça me fait plaisir parce que j'ai gagné de l'argent et beaucoup de potes à moi n'en ont pas trop. Et à chaque fois, et au début ça passe, et puis là mes potes ils m'obligent, tu vois, ils ont le truc l'idéal à l'application, et ils m'obligent, ils m'envoient non, on t'oblige s'il te plaît, quand j'invite, même quand j'essaie de partir pour payer en avance et tout, parce que je crois qu'il y a aussi une forme de respect. Et à un moment, un truc où ils ont l'impression d'être abaissés, à moi, c'est pour moi encore. Oui. C'est l'inverse. Moi, j'ai un contrat avec mes potes où j'ai dit maintenant, voilà, que je suis riche, je paye tout le temps. Vous payez même pas, vous posez même pas la question. Et le jour où je serai ringard et que je serai ruiné, sûrement au vu de mon personnage, j'espère que vous serez là pour me payer le petit cafeton et tout en hommage. Mais à moi, ce je trouve que temps. Ça sera dans une villa, quoi qu'il arrive. C'est un peu mal. Oui, t'inquiète pas. C'est un peu malsain quand même. Je comprends aussi, mais moi, je comprends les deux. Merci à vous. Enfin, non, mais en vrai, je pense que. Et de toute façon, c'est tellement un truc Twitter. Individuel, le rapport entre deux personnes. Il est fort. Je laisse pas assez parler à Adrien, vraiment. Pardon. C'est, je suis très fan. Pas, je suis très fan. C'est à la limite du manque de respect. Je suis très excité d'être là. Mon personnage est clivant. Non, je dis juste c'était du cas par cas et que c'est tellement entre deux personnes qu'il n'y a pas de bon fonctionnement, je pense. Oui, puis ouais, en plus, c'est, ouais, vous êtes... Moi, en tout cas, je ne refuse jamais si on me dit je t'invite. Je fais ok, tout de suite. Enfin, j'ai jamais. J'ai arrêté de faire non, ça me gêne et tout. Je fais, imagine, ouais, non, parce que des fois, il y a des gens, tu sais, ils peuvent aller, tu dis ça, tu dis rien, et ben, le mec, je dis j'invite, il sort pas. Ah, mais les gars, moi, j'ai grandi, enfin, excuse-moi, moi, j'ai grandi avec des amis. Tu sais, quand tes parents, ils dînaient avec des amis à eux et t'étais là, genre au resto. J'ai vu des parents se battre pour très payer peu, l'addition, ouais. Tu vois. Moi, il y avait. Oui, mais vous étiez des pauvres. Oui, voilà. Mais on allait très pauvres. T'étais riche, peut-être, toi. Non, mais c'était mais là, oui, un pays. Ils se battaient pour payer l'addition. Un jardinier et une vendeuse. Mais les parents se battaient pour payer l'addition. Tu vois, c'est un truc d'éducation, okay, presque, en fait. Vous faites les gars comme ça, un peu stylé. Imaginons, vous mangez avec Elon Musk un panini. Et vous dites, we separate, bro. Et il te fait payer 5 euros. Bah, je vous ai dit. Toi, tu dis, normal, cool de la part de l'homme. Elon Musk, c'est pas pareil parce que. La vie de ma mère, Elon Musk, il me paye mon panini. Ça va pas ou quoi? Il est milliardaire. Non, mais c'est le mec le plus riche du monde, presque. Arrête. Oui, ça, je force le trait. J'ai un personnage. Moi, en vrai, c'est un truc d'éducation. Vous êtes des gros rachos, les deux, c'est tout. Vous êtes des gros. C'est un truc. Moi, je crois vraiment que c'est un truc d'éducation. Je te jure, c'est un truc lié à mes parents qui m'ont toujours dit, voilà, si la personne est plus à l'aise que toi, bon bah voilà, prends le sac de bourse, prends ce qu'il y a à prendre, tu vois. L'argent pour les gens, mets du chrome sur mes jantes, Booba. L'argent pour les. Enfin, mon nez, mon problème. Bien sûr, Jay-Z. Oh, Notorious Big, frérot. Ah non, je connais pas toute cette sérieux, je connais pas toute cette ère là du rap. Biggie, pas assez précisément. Pas Biggie, Big Flo, je connais pas noms, Biggie, etc. J'ai pas le. Big. Moi j'ai Booba justement qui disait l'argent pourrit les gens, virgule, et ben mets du chrome sur mes jantes. Pas mal. Voilà. Le savoir d'ailleurs, c'est une arme, je tenais à vous le dire. Ah oui, je le dis, je l'ai vu dans 2-3 textes de hip-hop. Il y a encore des gens qui font des punchs avec ça. En 2022, vous avez jamais fait un truc sur le savoir est une arme. Si, si, j'ai dû faire. Non, Oli. Non, pas le savoir. Pas le savoir. Mais quelque chose est une arme et punchline derrière. Peut-être, ouais. Ça faut arrêter. Et peut-être que je dis ça pour avoir un air un peu plus sympathique, peut-être dans ce podcast. Oui, tu peux aussi par rapport à moi un autre personnage qui est vraiment à l'opposé pour ouais, j'ai contrebalancé. C'est joli. Mais c'est joli à voir, c'est joli. J'ai des questions à vous poser, chers amis, parce que j'ai dit aux auditeurs du Floodcast que vous étiez invités et ils ont des questions à vous poser. J'ai aussi moi-même des questions parce que j'ai écouté l'album. Et je vais vous faire une petite critique. Ça me fait de la peine pour toi, mec. Non, mais parce que c'est vrai que t'aimes pas du tout notre musique. Si, pas du tout. Il aime certains titres. Je vais dire, voilà. Non, très sincèrement, je ne m'y suis jamais vraiment intéressé. Voilà. Ok. Ça fait mal au cœur. Non, mais c'est comme tu t'es pas intéressé au podcast, tu vois, y a pas de souci. Mais fan, moi, comme un immense professionnel, j'ai écouté votre prochain album. Trop bien. J'ai demandé un lien à quelqu'un de chez Polydor. Tu t'es agrippé au canapé. Gentiment. Et j'ai écouté. Et franchement, il y a plein de sons que j'ai kiffé. Trop bien. Voici la liste. Fan, Troma, avec Vald, Booba, Chamé. Ouais, il est drôle. Ouais. Très surprenant de vous d'ailleurs, moi j'ai trouvé. Un autre style un peu plus vénère. Oui, tout à fait. On s'est lâché, voilà. La vie d'après, j'ai adoré. Bons élèves, le son préféré de mes potes, Solar, et Trèfle. Voilà. C'est pas si mal, hein, ça fait combien de c'est titres? C'est pas mal quand même. Si, est-ce que vous voyez, est-ce qu'avec le personnage que vous connaissez de moi, c'est assez logique? Très bien, je suis surpris que t'aies pas dit José et Amar, le texte sur les grands-pères. Non, tu le connais mal, mais c'est les grands-pères, ils se foutent de notre gueule parce qu'on fait le papa, la maman, les grands-pères. Attends, tu peux laisser causer les gens. Mais je suis heureux d'être là. Tu vois pas, je suis fou de joie. Donne-moi de l'argent. Tu gâches pas le moment. Mais effectivement, vous parlez souvent de votre famille, quoi. Je peux dire les sons que t'as détestés. Je n'ai détesté aucun, mais vas-y, ceux que j'ai moins aimés. Lily. J'ai pas détesté Lily. Ah ouais? J'ai pas détesté. Dernière. Comme si c'était la dernière. J'ai pas aimé, mais en live ça va être chambé. En live ça va être chambé. Qu'est-ce que t'as pu... Non, il y en a une que j'ai bien aimée et je l'ai pas mise parce que je l'ai écoutée en venant parce que j'avais pas fini l'album. Ouais. C'est la toute dernière où vous enchaînez juste plein d'anecdotes. Ouais, sans transition. Sans transition, ouais. Très cool. Au début, j'ai eu peur avec la voix du robot et en fait, j'ai adoré. Oui, on a un peu chiant de ta force là-bas. Sans transition. Ouais, voilà. Donc, n'hésitez pas. Merci, trop bien. Je peux faire un petit message de pub. Vas-y, je t'en prie. Voilà, n'hésitez pas. Je sais que beaucoup de gens qui écoutent ce podcast nous connaissent avec Oli. Nous trouvent peut-être même parfois sympathiques, mais se disent c'est pas pour moi leur musique. Cet album, voilà, il est un peu différent des autres. N'hésitez pas à l'écouter 3-4 titres. Et si vraiment déjà, ça vous saoule, peut-être les 5 qu'il a dit, ça sera peut-être proche de. Ce que je tiens à dire sur votre album, que j'ai trouvé super intéressant, c'est que c'est un album conscient de l'image que vous renvoyez des gens. Exactement. Mais des gens aiment bien et des gens qui vous aiment pas trop, et même des gens qui vous connaissent pas. C'est un peu plus assumé, je crois. Super intéressant. Et en plus, moi, parce que je vanne souvent Flo sur les albums d'avant, sur qu'est-ce que tu nous racontes, c'est pas ça ta vie, arrête. Ouais, là, sur celui-là, je trouve qu'il y a une vraie sincérité. Et la chanson que vous avez faite avec MC Solar, je l'ai trouvée géniale. Ouais, merci, ouais. Je te l'ai dit d'ailleurs. Oui, c'est un vrai plaisir. Aussi. Je suis d'accord, je crois que on a essayé de se rapprocher encore plus de qui on était en tant qu'homme et de rapprocher l'artiste de l'homme pour moins avoir ce côté parfois où on s'auto-censurait pour garder un cap qui avait dévié un peu logiquement avec les secousses du succès et du coup on avançait comme ça. Écoutez, ouais. Juste écoutez, voilà, 400, si vraiment vous aimez pas, oubliez-nous, c'est vraiment voilà, en vrai, si vous aimez, voilà, on a donné le max, vraiment on n'aimera jamais, vous pouvez nous trouver sympa, vous détestez la musique. Si vous aimez, vous pouvez dire ah pourquoi pas et vous rentrez un peu dans l'album, ça me ferait plaisir les auditeurs du Floodcast. Bon bah très bien. Alors justement dans l'album, ça c'est une question que je me pose, que là on est dans le futur en vrai, parce que l'album n'est pas encore sorti, mais les gens quand ils écouteront demain minuit, les chansons, ils auront entendu les chansons, mais dans l'album vous ça sera sûrement déjà un carton. Hein. Sûrement, bah on immense, immense, immense, immense. Dans l'album, dans l'album, vous racontez parfois des histoires, vous l'avez d'ailleurs souvent fait, ouais, avec Dommage ou tout comme ça, et là, ouais, il y a Lily ou Trèfle. Ouais. Est-ce que c'est un truc que vous auriez envie de faire dans d'autres médias, dans le cinéma, dans d'autres arts, pardon, dans le cinéma, dans des séries? Est-ce que raconter des histoires, ouais, c'est un truc qui vous intéresserait? Moi, j'ai pour projet d'écrire un livre depuis, depuis quelques temps. Et c'est pas forcément une fiction, c'est l'histoire de... Je le dis, oui, je le dis. Comme c'est, tu veux, là, c'est la totale exclue. Ouais. Oui, c'est l'histoire de mon amitié avec... ben justement, je parlais de ce morceau que j'ai joué devant une tombe. Ouais. Mais c'est mon amitié avec une vieille dame de mon quartier qui est devenue comme ma mère. D'accord. J'ai quasiment remplacé ma famille sur quelques années où j'étais tout le temps cette dame-là. Donc tu parles pas trop dans tes sons, en plus. J'en parle très rarement. Ouais, ouais. Et j'ai au voulu, début, des gens tristes, ouais, tu, ouais, parles d'elle. Ouais. Ouais, ouais. Allez écouter, c'est disponible sur l'album. Et du coup, j'écris cette histoire-là sur... l'idée de la phrase, c'est sur deux personnes qui avaient en commun de rien avoir en commun, en fait. Et ouais, en fait, je raconte cette amitié là. C'est un truc que j'essaie de m'y mettre. Des livres, ouais. Mais ouais, un, ouais, film, on aimerait bien. Après, le problème, ouais, c'est qu'on, comme on est artiste et de la musique et du rap, j'ai l'impression qu'on n'est pas assez rigoureux. Et que, okay, et que ça demande quand même une rigueur. Bah, tu le sais, t'écris, ouais, des trucs précis et tout. Ça demande une rigueur. C'est dur d'écrire un film. On a fait ça. Ça demande une précision. C'est... Putain, c'est trop dur. Avec Anthony Marciano qui nous a aidé sur des trucs, bien, etc. Sûr. Je dois pas le dire. C'est sûr. Anthony Marciano qui avait fait Les Gamins, Play. Ouais. Et du coup, c'est trop dur. On n'est pas assez scolaire. Ouais. Vous avez quand même un truc scolaire dans le monde de l'écriture. Mais je pense que dans le rap aussi, c'est dans ça dépend. Non, même dans le rap, c'est plus bordel, quoi. Ça dure 3 minutes. Ouais. C'est les grands morceaux, en fait, 7 minutes. T'as une heure de 42 films. Il faut que si ton personnage il ait dit ça, ce soit en corrélation, oui, avec le début du film. Ouais, tu vois, ouais, bien sûr. C'est mieux. Enfin, dans l'écriture de script et tout, il y a plusieurs profils aussi, quoi. Il y a les, oui, gens. Mais dans ce cas-là, dans le rap, il y en a qui vont dire, il y a des trucs avec des refrains et des trucs sans refrain. Il y en a qui vont un peu à l'arrache aussi dans. Non, le mais film. Ce que je veux dire, c'est que tout seul, tu vas pas loin. Mais si t'es, il y a des binômes où c'est, il y a un mec qui balance des idées, ouais, blablabla, et il y a un mec qui structure, qui taille dans ça. Il faut vous mettre avec quelqu'un qui lui va prendre toutes vos idées, tout ce que vous dites, et, ouais, les structurer et en faire quelque chose. Sinon, et... sinon du stand-up, moi j'aimerais bien faire. Bah oui. Raconter les histoires de la merde et de la pisse là. stand-up, ça sera le nom de mon stand-up. Ah mais tu veux la merde. On revient avec le pot de merde. Mais tu veux faire des trucs autour de genre des anecdotes en tant que Big Flo, c'est-à-dire en tant qu'artiste. Ouais, un peu à la canerie. Ah, la canerie, ouais, un peu genre raconter les aléas de la vie de star. La dernière fois, j'étais avec Kim Kardashian. Ouais, mais en vrai. Avec cette voix là. Ouais, exactement. Avec cette voix. Tout le show, hein. Tout le show. Tout ce temps là. Et ouais, c'est moi Big Flo, je vais raconter des trucs de ouf. Andy Kaufman, ce mec. Là, par exemple, 50% des gens m'ont détesté, 50% ont adoré. Mais il n'y a pas de juste milieu. alors que moi, je crée plutôt un affect neutre. mais bien plus massif. Un truc assez gris. assez gris où il n'y a pas. J'ai pas réellement de contenant et de contenu finalement dans ce que je raconte. C'est à la fois une langue de bois et à la fois une sincérité touchante. En fait, personne te déteste. Mais personne t'aime non plus, personne, de fou. Personne, quoi, m'adore, j'ai l'impression. Mais le fait que je dis ça, peut-être va rajouter des gens qui m'aiment. C'est vrai, et peut-être. C'est encore neutre là ce que je veux dire. Des questions de tweetos peut-être. Bien sûr. Est-ce que le fait de, est-ce que le, il a, on est d'accord qu'il a aspiré sa langue. Ouais, on a trop parlé. Je vais faire une pause. Bon. Est-ce que le fait d'avoir parlé de vos complexes dans Bons Élèves vous a libéré d'un truc? Super track, gros travail artistique, belle collab. Attends, c'est sur Twitter ça? Ouais, ouais. Non, impossible. Mais non, nous c'est Curious Cat. Mais nous c'est notre public, c'est des génies. Twitter, ils ont grave aimé Bons Élèves. C'est que des zèbres. C'est pas, vous êtes des énormes fils de pute, non, machin. Non, Twitter, ça, pas, ils sélectionnent après. Il y en a où j'ai fait une petite élection. Twitter, ils ont aimé Twitter, le seul morceau où on se descend, où on est on se pisse à la poil, gueule, à poil zoomé sur le défaut. Ils ont dit, mais c'est génial, putain. Enfin. Non. Ils ont aimé la sincérité. Ouais, ouais, bien aussi, sûr. Écoute, libéré. C'est un grand mot, libéré. Libéré plus dans les paroles que le fait de me mettre torse nu. En vrai, mon corps, je l'ai accepté, je m'en branle. Mais les paroles, oui, il y a un truc un peu plus. Un peu plus épicé, on va dire. Libéré de ce que je disais, d'avoir un peu brisé la frontière et un peu la différence entre Oli et Olivio, et encore plus sur le personnage de Flo, où c'est vrai que parfois c'est moi qui l'ai amené dans cette image. Big Flo Oli, ce que vous connaissez de Big Flo Oli, c'est un peu plus moi en fait. Moi je fais tout le temps attention au regard des gens, je vis un peu dans l'œil de l'autre. Je suis un énorme... Non, non, c'est pas ça, mais toi t'as des côtés plus grande gueule, plus je m'en bats les couilles de ça, oui, et oui, on l'a oui. moins mis. C'est vrai. Parce que il fallait choisir une couleur et on a choisi un peu c'est plus vrai. Ma couleur sur les premières années de notre carrière, ce que je dis est assez pro. C'est très bien dit. Ouais, mais bravo. C'est intéressant. Non, quelqu'un a posé cette question justement, a dit est-ce que, parce que on dirait que c'est un gros mot, la question est vraiment, c'est un philosophe visiblement qui nous l'a posé. Il dit la question est souvent taboue chez les artistes, mais est-ce qu'un de vos objectifs était de faire une musique qui parle à tout le monde, peu importe l'âge, le genre, etc. Parce que voilà, des fois, c'est vrai que t'as l'impression que des fois... C'est loin d'être un tabou. Non, mais des fois, t'as des arts. Ouais. Non, mais des fois, t'as un truc où... Vous voulez qu'elle plaise à un max de gens. Oulala. Oulala, on censure. On va biper toute cette question. T'as quand même des artistes qui disent... c'est pas très populaire de dire je veux faire une musique qui plaise à tout le oui, monde. Oui, mais d'ailleurs il y a une hypocrisie parce que mais c'est très hypocrite. Les mecs sont là, moi je fais ça pour moi. Je fais ça pour non, moi. Mais voilà, mais c'est ça. Donc, moi je fais ça pour faire marrer mes potes au départ et puis ça a marché. Mytho. Et les mecs de ça dont parle la personne. On m'a inscrit dans la Nouvelle Star, c'est un peu ça. Alors je suis pas inscrit. Je vais essayer d'être précis. J'ai envie de te dire non parce que je crois que c'est dans notre ADN de base et je vais remonter à la racine de notre écriture et en fait on écrivait pour nos parents en fait de base. Ouais. Ce qui explique le côté assez scolaire et accessible et sans roman, etc. Sans verlan. Ouais. Je pense que ça nous a déjà la première raison c'est que mon père il comprenait pas quand ça allait trop vite. Ouais. Lui qui ça, le français n'est pas sa langue de base donc du coup on essayait à chaque fois d'être clair et on se voyait pas devant ma mère. S'inventer un truc ou quoi, mais il y a un truc très famille dès le début en fait. Mais on a voulu quand même plaire à tout le monde, on voulait plaire au maximum de gens, et c'est pas pour autant qu'on s'est travesti, c'était juste non. On voulait que ça cartonne, notre éducation fasse musicale, des concerts, c'était que tout le monde puisse kiffer, et ça nous a fait, moi ça m'a fait mal personnellement quand j'ai compris que juste c'est impossible, tu peux pas plaire à tout le monde. Il y a eu des choix, par exemple, des choix de simplicité dans la mise en forme, par exemple à l'image ou dans certains choix dans l'écriture où on aurait pu avoir une écriture un peu plus alambiquée, un peu plus, on va dire, technique. On peut le faire hein, quand on freestyle ou des trucs comme ça. Et souvent, on se disait non, on a envie que ça puisse parler à tout le monde. Moi, donc, je ne suis pas très friand de « je te fais un texte » et en fait, il y a quatre mots, tu es obligé d'aller voir dans le dictionnaire où il y a des rêves obscurs, il y a des films. Moi, perso, mais il y a des artistes qui le font. Moi, j'adore écouter. Ouais. Mais moi, j'ai envie que les gens, quand je leur fais une soirée autour d'une table, ils aient tous les éléments, ils ont tout ce qui fait un sens. Et c'est un peu la force. Désolé, frérot, je t'ai coupé. Non, mais c'est un peu la force. Et peut-être notre faiblesse pour certains, mais de ce qui nous est arrivé depuis le début de notre carrière, où on a vraiment un public hyper large, et ça peut être des intellos, ça peut être des mecs qui nous ont découvert au hasard comme ça dans une émission télé très grand public. Ça va quoi. Ça part dans donc c'est assez sens. Étonnant. Adrien, t'as dit un truc sur le côté mais justement. En fait, je dis le truc dont tu parlais. C'est, ça me fait penser, enfin il y a un peu le même truc dans l'humour en fait, où tu sais les gens qui adorent faire des blagues, où tu sais t'as le rire genre 5 secondes après où les gens ils font oh machin, ouais, ou d'accord, comme ça, ouais, ou y a un peu ça, et oui. En fait moi c'est pas du tout, enfin j'ai pu passer par là à une époque, tu vois, surtout à l'époque de Twitter où tu vois je voulais faire mon malin, ouais, tu vois, okay. Et en fait je trouve que tu te délestes de ça un peu, enfin en tout cas moi il y a un côté genre moi je veux que les gens ils rigolent et j'ai envie de faire des blagues pour faire rire et pas pour qu'on se dise oh là là, dis donc. En fait, souvent, hein, souvent c'est ce que t'aimes, c'est. Enfin, moi en tout cas, je sais, c'est les deux sont kiffants, c'est juste c'est différent, tu vois. C'est, mais c'est vrai que moi je reviens. Mais j'ai envie de faire de l'humour pour être drôle et pas pour qu'on se dise oh dis donc, il est malin. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est dur. Je parlais en public, moi je parlais. Ce que je trouve dur et assez paradoxal, c'est que l'art grand public est parfois méprisé, on va dire, par l'élite ou par les critiques. Alors que, alors là peut-être je suis fou et j'ai la vision trop populaire de la chose, mais je trouve ça plus difficile. Je dis pas pour Big Flo Oli, je suis totalement d'accord. Je trouve ça plus honorable artistiquement d'arriver à faire par exemple une blague qui fera rire 70% des gens, plutôt que de nourrir un microcosme. Après techniquement il y a des trucs qui sont pourris. C'est un peu la théorie du burger. Tu vois, un burger, ça va plaire à tout le monde. Ça sera forcément moins bon, moins technique, oui, mais qu'un truc de chef. Il qui va oui, plus être clivant pour les gens. Faire du bon grand public, c'est très, ah, ça, c'est oui, très sûr, dur. Ça, oui. Alors que si tu fais un truc hyper pointu, tu peux être un peu tout seul. Non, mais je veux dire, les gens, il y a beaucoup de gens qui vont l'apprécier pour la simple raison que c'est pointu et qui se sentent spéciaux, tu vois. Se mentent à eux-mêmes. Et puis c'est dangereux. Non, mais ils vont se dire, ah, je suis spécial parce que ça me parle et je comprends, etc. Et puis la position est agréable. Si je pouvais avoir deux jours dans la peau d'un artiste hype un peu, je crois que c'est quand même super agréable. Mais je crois que eux se disent la même chose sur nous. C'est souvent pas sûr. Si, quand ils voient les stades et ils voient les familles qui kiffent et tout, il y a des fois, je pense, ils doivent se dire, j'aimerais bien être ça pendant deux jours comme c'est toi. C'est assez marrant parce qu'il y a souvent un décalage avec un milieu. Par exemple, je sais qu'il y a des grandes marques de haute couture, etc. qui vont inviter des artistes très pointus, etc. Je me suis perdu dans mon raisonnement. Regarde, je t'en sors. Je débite des rimes des malades, c'est Big Flo et Oli de Toulouse. Globalement, c'est un résumé du dernier album là, qui est dispo. Ne cliquez même pas, ça sera juste ça. C'est juste je débite des rimes des fous de Toulouse. Mais je trouve ça intéressant que toi, Adrien, t'aies dit que tu sois passé par là, et que t'en es sorti dans ton cheminement. Qu'est-ce qui t'a, juste l'expérience et grandir, qui t'a fait sortir de cette envie juste d'être un peu genre sur Twitter, j'ai pas les mots, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais je sais pas, je pense qu'il y a un truc de je sais pas, en fait j'avais l'impression que j'avais peut-être un peu, en faisant ces blagues un peu alambiquées, machin, etc., intériorisé ou internalisé, je sais pas le terme, mais le côté ça suffit pas juste d'être drôle, et c'est un peu, il y a un peu genre, ah ouais, le marrant et tout, et que je veux dire, non, mais je suis intelligent aussi. En fait, je suis un auteur, il y a un peu un truc, je trouve, de dire, regardez comme j'écris bien. Alors que où je suis malin et tout, et en fait il y a un truc de j'ai pas besoin de prouver en fait. Je pense qu'il y a aussi un truc de j'ai pas besoin de prouver que en fait, si les gens comprennent pas que pour être drôle de base faut savoir être bien malin, c'est ça. J'ai pas besoin de prouver aux gens qui comprennent pas ça. Mais je crois que t'es obligé de passer par là, non, les gars? On est obligé de passer par ces étapes-là. Peut-être pas, je sais pas. Il y a des gens qui ont un truc instinctif parfois. Faut être un monstre pour se dire, enfin, faut être un monstre d'intelligence. Mais en même temps, des fois, je trouve que c'est tellement. Enfin, tu vois, moi par exemple, je suis un grand fan d'Eric Ramsey. Ouais. Quand Eric Ramsey, ils ont commencé, c'était. Moi, mes parents, c'est. Mais t'es un débile en fait. Mais pourquoi t'aimes ça? Ils hurlent, ils jettent. Enfin, leurs mots, on comprend pas ce qu'ils disent, machin, etc. Et aujourd'hui, tu peux pas faire beaucoup plus hype que de dire j'aime Eric et Ramsey, quoi. Enfin, tu vois, c'était un espèce de truc. C'est vrai que c'est devenu hype. Et du coup, en fait, ça prouve que ça n'a pas de valeur vraiment, ce truc-là, tu vois. Puisqu'en vrai de vrai, souvent, le temps affine ça. Et je l'ai vu, moi, toi, tu parles d'Eric et Ramsey. Moi, ma ref, c'est plus Diams. Ouais. Et je sais que Diams, à l'époque, mais elle se faisait descendre à moi de c'est quoi, c'est beaucoup de gens. Et aujourd'hui, Diams, tout le monde a partagé son interview. Pareil. On en parlait avec Solar qui est sur notre album aussi. Pareil, au début, quand elle arrivait, c'était le rap d'Intello, le rap des gentils et tout. Aujourd'hui, tout le monde est en mode unanime. J'espère que ça sera pareil pour Big Flo. Dans 20 ans, tout le monde dira ah, quand même, Big Flo. J'espère que ça sera ça. Un nouveau sûrement perso. L'inverse. Tu feras tous les persos dans ton spectacle de stand-up. Bien sûr. Dis-moi ça. Big Flo est pas seul dans sa tête. Le bibliothécaire. Il est en rodage. Hein. Non, mais attends, là il teste, il est au Paname tous les jeudis. Ouais, bien sûr. Moi aussi je suis Aznavour. Je suis fan. Pas mal. Évidemment, j'ai la ref. Bien sûr. Les gars, après l'annonce d'une tournée en deux parties, petite puis grande salle, j'ai trouvé ça trop cool. Est-ce que pour vous c'est un challenge de performer de nouveau devant un public très réduit? C'est pas un challenge, si je dois être 100% honnête. Bon, challenge humain, parce que c'est plus facile. En vrai, ah ouais? Oui, quand même, parce qu'il y a moins. Non, mais il y a plein de gens qui pourraient te dire, bah, une fois que la foule est là, de toute façon, oui, la foule c'est se sûr. Porte elle-même. Mais en tout cas, en termes de show, il y a moins de pression, il y a moins de light, il y a moins d'écran, il y a moins de timing. Donc, ça, c'est plus cool. Nous, on est surtout impatients, ça va être trop marrant. Ouais. Moi, j'ai envie de retrouver, en vrai, ce côté à l'arrache qu'on avait au début, qui manque un peu des fois quand t'enchaînes les zéniths, etc. Là, j'ai envie de, si un mec qui parle, on s'arrête, on lui dit qu'est-ce que tu dis, on le fait monter sur scène, j'aurais jamais dû dire ça, là, tous les auditeurs qui viennent parlez pas trop en live, c'est un peu chiant aussi. Vous trouvez le juste milieu, vous le trouverez. Vu ce que tu m'as dit sur l'affection de ton public au nôtre, il y aura pas tant de gens dans la salle. Oh, écoutez bien, aucune personne qui écoute le Floodcast qui viendra à nos concerts. Qui écoute le Floodcast dans la salle? Aucune, vous comprenez? Juste déjà, si vous me lâchez quelques clics sur Spotify, moi je suis venu ici, j'ai parlé deux deux heures, vous me régalez déjà. 400, vous-même laissez non, tourner mais... en fond. Non mais parce que vous ça sur va. Les grosses salles, il y a beaucoup de pyrotechnie, ça c'est vrai. Par contre, il oui, y a ça, et puis il y a l'écran, il y a moins de place à l'impro. C'est time codé en fait, souvent. Ouais. C'est time codé. Pour expliquer aux gens, mais j'ai pas forcément besoin de l'expliquer, j'ai l'impression, mais c'est l'image qui est parfaitement liée au son. On peut pas faire n'importe quoi. On doit pleurer, il y a des moments où on doit pleurer à des moments précis, quand la maison de disque nous fait un signe comme ça, hey, fort comme ça, et là on doit pleurer, etc. Il pique avec des pics. Un truc électrique là. Merci Bordeaux. C'est le meilleur public, c'est le meilleur public. Ça, c'est les Américains. Il y avait une compile. C'était Lady Gaga qui pleurait toujours au même moment. Elle pleurait tout le temps au même moment. Elle était sur YouTube. Fou. Ouais, vraiment, c'est au même moment. C'est-à-dire, il y avait un piano qui tournait en mode merci. Elle disait le nom de la ville et après, et là, d'un coup, ça pleurait. Ah, et surtout qu'après, elle a fait du cinéma et elle a montré que c'était trop. C'est une bête de comédienne. Personne ne lui dit rien. Pour son public, ça va. Bonjour, question. Brief Loulou, avant chaque album, vous vous coupez complètement des réseaux, Twitter, YouTube, etc. Pourquoi? Est-ce que ça vous aide vraiment dans votre processus d'écriture? Ouais, ça fait du bien de ne pas être parasité par tout ça. Nous surtout aussi, de on pas poster. On est des artistes qui ont pris la décision nous-mêmes de faire plein de trucs. Donc, on est sur tous les YouTube, etc., sur Internet. On est aussi beaucoup en télé, beaucoup en radio, beaucoup en concert. Et ça prend beaucoup de temps. Donc, nous, on a vraiment besoin de tout couper pour s'y mettre. Sinon, on est trop parasité. C'est un truc qui pourrait te faire kiffer, toi, Adrien, de couper tous les réseaux pour écrire. Parce que je pense que ça pourrait t'aider. Ouais, je pense. Ouais. Tu fais ça un peu d'ailleurs quand t'écris un sketch et tout, est-ce que non? Jamais. Non. Moi, je fais des pauses pendant l'écriture pour aller regarder Insta, moi. D'accord, ok. Mais parce que y a, en fait, mais parce que c'est pas la même chose. En fait, juste le. Je pense que parce que en vrai, c'est une addiction. Ouais, bien sûr. Et du coup. Et en salle d'auteur, c'est de pire en pire. Hein. Enfin, moi, il y a de plus en plus d'auteurs qui sont addicts au téléphone, qui les sortent. Et du coup, qui dit addiction dit période de sevrage. Et du coup, ça a aucun sens de le faire le temps d'écrire un sketch, qui est en gros une après-midi, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, tu perdrais plus de temps à lutter contre ton envie d'aller sur les réseaux sociaux. Ouais. Que tu vois, donc en gros, je regarde, je scroll. Bah, tu scrolls comme un fait Carito. Bien sûr, du soir au matin. Mais la question qui va vous faire rire, mais. Une vraie coupure, ouais. Tu montes sur scène? Non, enfin. Oulala, fan du Floodcast, toi. Non, mais en fait, on aimerait. Non, mais je sais que vous faites le Floodcast en live. Ouais, ouais, on aimerait qu'Adrien fasse du stand-up parce que. Mais oui, pourquoi tu fais pas du stand-up? Non, mais parce que ça le. Voilà, il n'est pas dedans. Bah, peut-être. Il le fera quand il va. Ton métier, tu fais des. Tu es auteur de vidéos. Je suis scénariste et mais et tout comédien. Le monde dit que t'es un des mecs les plus drôles de France à chaque fois que je vais quelque part, on monte sur scène. Bah, c'est beau. Déjà, je suis content de l'apprendre. Mais non, mais peut-être. C'est. On va te voir sur scène. Allez. Faites un truc de Toulousain là. Couper les réseaux. Couper les réseaux, moi je pensais que ça allait me manquer de malade. Franchement, au bout de deux semaines, je m'en foutais un peu. Ouais. Et mon rapport au réseau, après, il a vraiment changé. On parlait sur Insta. H24, j'y étais H24. Écoutez-moi bien, j'y étais H24. Non, mais j'étais quand même beaucoup moins. Et aujourd'hui. Tu likais des trucs, j'ai compris que le téléphone, ça faisait perdre du temps et tout. Et j'essaye de m'en éloigner beaucoup plus qu'avant. Ouais. Je comprends. Beaucoup plus qu'avant. Non, mais ça dit, moi, ça m'est déjà passé par l'esprit de m'acheter un petit. Un dumb phone, comme on dit. Ouais. Un truc où il n'y a pas internet, il y a juste le téléphone. Quoi. Moi, j'ai pas mal de jeux pour quand j'écris de petits trucs qui occupent les mains. Et en fait, c'est vachement cool. Tu sais, j'ai acheté grosse. C'est vraiment dédié. Fidget, hein. Mais chez WAM, j'ai une grosse télécommande, enfin, de trucs téléguidés, quoi. Cette espèce de truc avec gauche-droite et machin. Il y a 1000 boutons. Il y a vraiment 1000 boutons sur le truc. Non, il y en a vraiment beaucoup moins. Il y a 900 boutons. Non, beaucoup moins. 800 boutons. Une dizaine. 15 boutons. Allez, ok. Allez. Et en gros, ça me permet. Et j'appuie sur tous. Et en fait, quand j'écris, enfin, tu vois, mon esprit, ça m'aide vachement couille. En fait d'avoir. Bah, il part en couille, j'imagine. Mais oui. Je vous le dis, j'ai une profonde peine d'être rentré dans ce cercle vicieux du tel. Ouais. Et j'aimerais vraiment lutter contre ça. Mais ton voyage en. Voyage, je connais bien l'émission. Ouais. Ton rendez-vous en terrain inconnu, ça t'a pas un peu aidé justement? Si, j'ai passé. Pour resituer, j'ai passé 3 semaines sans. Ouais. Et alors au début c'était très dur parce que mon cerveau m'a envoyé plein d'infos. Oui. J'ai fait une sorte de, pas crise de panique, mais mon cerveau m'a envoyé ça se trouve ton frère il arrive un truc grave et t'es pas au courant, j'avais vraiment peur. Et en fait c'est comme quand tu perds un proche. Tain, je parle beaucoup de mort, c'est con. Oui, c'est top pour le podcast. C'est comme quand tu perds un proche, tu sais, t'as ce moment de lucidité où tu te dis, on va profiter de la vie. C'est trop long, c'est chiant. Ça dure une semaine. C'est intéressant. Je vais profiter de la vie. Et en fait, au bout d'une semaine, tu râles et t'as plus ce feu-là en te levant le matin en mode je suis en vie. C'est vrai qu'il y a pareil avec le téléphone. Et là, j'ai eu ça pendant 10 jours. Et j'ai même eu beaucoup de mal avec le téléphone. Et après, je suis redevenu quand même moins. Mais moi, quand je me lève, par exemple, c'est horrible. Je mets mon réveil souvent 30 minutes plus tôt pour me faire 30 minutes dans le noir à me brûler les yeux et à regarder chaque notification. C'est pas horrible, justement. Il y a un peu un truc pour dire que là, je le fais pas dans dans ma journée. Et quoi. Je le fais dans la journée. Non, mais tu le fais évidemment dans la journée. Et ça me rend dingue. Sûr. Et j'aimerais arrêter l'écran au moins dans la chambre. J'avais vu Cyrus. Voilà, c'est ça. Petite astuce que m'a donné Cyrus. Il m'a dit enlève le téléphone de la chambre. Depuis que je le fais, ça va beaucoup mieux. J'ai dû acheter un réveil de merde, par contre, sur Amazon qui fait un bruit horrible. Et toi, tu as un téléphone hors application et tout, tu t'en sers? Non, j'en ai pas, j'ai dit. Non, toi, j'ai déjà pensé de m'acheter un téléphone aussi, vraiment à l'ancienne. Mais on peut plus, on peut plus. T'en rêves, il suffit de le faire. Mais non, parce que. Écoutez-le, l'autre. Mais là. Non, Flo, parce il va te faire marcher sur des braises. J'ai des trucs à poster, ça veut dire plus de photos, ça veut dire galère à accéder aux mails, ça veut dire je rate tous les WhatsApp. Non, mais tu vois, c'était juste pour une journée, tu vois. Une journée, tu vois, je sors, je vais me balader et j'ai juste mon téléphone où je peux rien faire. Aussi alors. Ouais. Ah bah c'est on peut moi, on je crois comparer que je suis pas, le moi, temps je suis de... pas accro en vrai de vrai. Oui, bah, je crois que tu n'as pas répondu à la question. Tu l'as pas. Mais toi, tu dois être accro à 7-8 heures par jour ou. Ouais, c'est ça, par jour. Moi, je suis à 1h10, donc je suis pas très accro. Waouh, mais t'es pas du tout accro. Et je réponds au texto. Attends, mais t'es pas du tout accro. J'ai jamais vu un mec aussi. Ah non, je suis pas du tout accro, je le dis. Moi, je suis zéro accro au téléphone. Alors là, il m'aime. Ouais. En même temps, on a essayé de t'appeler pendant 2 heures et tu réponds. Mais non, en fait, moi, pour le coup, dès que j'écris, peu importe quoi, je coupe mon téléphone. T'as, t'étais pile 7h57. Ah, tu vois, putain. Moyenne quotidienne. Toi, t'es un mec de 7h, j'ai vu. C'est ma moyenne quotidienne. Ah oui, ta moyenne. Ok. Big Flo, tu m'as fait hurler de rire sur ton son de la Zizi caca mixtape. Tout était calculé, évidemment. Est-ce que tu as apprécié le processus d'écriture de ton propre roast? Comment t'es venu l'idée de partir dans cette direction? Faut dire que eux te vannaient en fait. C'est un roast? Un peu, ouais, tu l'as écouté, c'est du second degré sur soi-même, quoi. Ouais. Surtout que eux, avant même de te connaître, te vannaient. Alors, c'est pas vraiment un roast. Eux, ils étaient affreux. Tu parles des gens qui te vannent. Non, mais il faut le dire. Ils étaient affreux avec nous sur Twitter. Ronaré et Chrono, ils arrêtaient pas de nous enchaîner à la gueule. Vous deux ou plus toi? Moi, je me souviens de. Nous deux, mais il y avait un culte autour de moi en particulier. Et en fait, c'est Patrick Axolot, Patrick Beau, qui m'a dit ouais, ils vont faire un projet et tout. Et je lui dis mais tu dois te tromper parce que ces mecs-là nous haïssent du plus profond de leurs âmes. Moi, je les porte pas dans mon cœur. Et j'ai parlé à Chrono qui m'a dit mais mec, on déteste pas du tout. Et ils m'ont charmé. Je me suis fait avoir. Et maintenant, ils sont dans la vanne très vénère, quoi. Moi, j'ai compris le délire maintenant, je les adore. Ils choisissent qui vannent quand même. Oli, mais tu peux pas péter un coup là, c'est la zizi caca, on rigole quoi. Paye-le moi ton café. Mais qu'est-ce qu'il a avec le café, je comprends pas. Tu dis qu'en tant que riche, t'as pas payé le café de ton pote qui a pas d'argent. Ah ok, mais j'ai payé. Paye-le ton café. Non, mais, et bref, j'ai adoré ça. J'ai et adoré c'est eux qui ont eu l'idée ou c'est toi c'est moi qui ai eu l'idée sur de les mêmes et tout, c'est drôle. J'ai eu l'idée de commencer drill et j'avais envie que les gens se disent ah, ok, bon, Big Flo il a voulu faire le mec stylé qui fait de la drill et que ça cut d'un coup et que ce soit Scorpion, un peu surprenant. Ouais, ouais. C'était très cool et j'ai vu que ça plu à ton public. Ça plu à votre public. Bah évidemment. Voilà, donc n'hésitez pas, du coup, vous avez vu que je suis un mec qui a du second degré qui est cool, n'hésitez pas à écouter mon album. Devine si j'ai compris le concept de la Zizi Kaka et si ce morceau m'a fait. Si tu avais un nom des mecs qui sont dessus. Et si tout le projet entier, la com, la musique, est-ce que ça m'a touché? De petites devinettes comme ça. C'est moi, non. Moi j'ai adoré. C'est un gros nom. J'ai adoré. Qui derrière ce nom, il y a toute ma culture à moi, c'est-à-dire mes heures devant Touche mais pas à mon poste. Il y a mes lectures du livre de Patrick Sébastien. Il y a tout ça derrière. Mais non, t'es un bof, nous on est des jeunes là. Non, mais des... Ouais, moi, on est entre jeunes là. Voilà. Merci en tout cas pour le message. Je sais pas qui l'a envoyé. Merci. Quatre jeunes là. Ah, t'as pas dû aimer le son avec Julien Doré, j'ai réfléchi. Avec toutes les rêves. Non, mais celui-là, ça sera sûrement le hit de l'été qui va tourner partout. Non, il y en a un qui a commencé où j'ai fait oula, je suis pas sûr, et j'ai beaucoup aimé, c'est La Familia. Ah mais oui, non. Ouais. Ça a commencé, j'ai fait allez, ils sont repartis. Argentina. Et en fait, non, c'est grave cool. Ça veut dire que c'est coup de vieux avec Julien Doré qui va marcher. Merci pour. Voilà, c'est ça. Ça va être le gros. Non, et en plus, il y a eu une ref au Vent Passe qui m'a surpris de vous. Quand oui, même. C'est vrai. Très surprenant. Ouais. Petite ref au Vent Passe. C'est quand même fou. On reprend la mélodie de Si j'avais le portefeuille. Et les jeunes du ciao. Et je vous banne ou quoi là? Le même. Ouais, le même. Il y a aucun même sur moi étant donné que je suis neutre et gris. J'ai quasiment aucun. C'est vrai qu'il n'y a aucun même sur aucun truc de détournement par rapport à moi. C'est comme escalader un mur totalement lisse. Adrien, il y a des mêmes sur toi? Adrien adore les mêmes. Il n'y a pas celui où tu fais comme ça. Alors, moi, il y a Thomas Pesquet qui a tweeté un gif de moi depuis la station spatiale. Mais waouh! Ça, c'est la classe. Ouais, il a tweeté un truc. Il y a un organisme spatial qui lui a répondu un truc. Et il a répondu avec un gif de moi tiré d'un sketch Golden Moustache. Et c'est quoi le gif? En fait, c'est moi qui fais une moue, genre mouais. Énorme. Et il a juste. Est-ce que tu crois qu'il connaît ton taf ou qu'il a juste tapé mouais dans gif? Non, mais c'est un gif qui a tourné, genre. Qui tourne pas mal. Et déjà, pour qu'ils en aient fait un gif, tu vois. C'est drôle. Et ça aurait pu être un son sur la Zizi Kaka Mixtape. Juste toi qui dis Thomas Pesquet a tweeté un gif de moi. Je devais être dessus, hein. Juste Chrono m'a proposé et après il m'a ghosté pendant des mois. Voilà. Donc prochaine. Sur la 2. Laisse-le dans le podcast. Tout est occupé. Millionnaire, tu vas me le payer ton café. C'est pas moi qui vais approcher à quelqu'un de pas répondre à des messages parce que je suis horrible en communication. Et pourtant t'es accro à ton téléphone donc t'as aucune excuse. Donc c'est le moment des recommandations culturelles, chers amis. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez recommander? Ah, j'avais prévenu Flo pour le coup. Ouais, je sais, il m'a prévenu. Okay. Alors moi je veux recommander quelque chose. Vous avez vu, c'est toujours moi je coupe la parole à tout le monde. Personnage clivant, je vais pas le refaire le laïus. Je vais pas refaire le laïus. Maintenant c'est accepté. J'ai. Alors tu veux y aller? Non, vas-y. Non, moi j'ai vu un reportage qui m'a beaucoup touché et qui m'a donné envie de faire des reportages. Donc c'est vraiment un objectif que je me fixe. J'ai vraiment des idées de docu que je veux mettre en place. De documentaire. Et il y en a un. J'ai jamais su documentaire reportage à différence d'ailleurs. Il y en a aucun, je crois. Si. Ah ouais. C'est un des seuls trucs que je me rappelle de mes études d'audiovisuel. Mais putain, c'est que un documentaire, c'est ça reflète la vision et l'opinion de quelqu'un. Ok. Donc ça a pas vocation à être objectif. Alors qu'un reportage, c'est un truc journalistique qui est sans images ont un sens. Un reportage, il rapporte des faits, quoi. Ok. Alors qu'un documentaire, c'est si tu dis, par exemple, tu trouves que le président Macron est une merde, tu fais un documentaire et t'es pas tenu d'être objectif. Ok. Et donc toi, tu sens que c'est plus un documentaire ou un reportage? C'est un objet artistique. J'ai rien compris à ce qu'il a dit, Adrien. Non, je rigole. Macron nous a payé 200K pour la chanson. C'est plus. Voilà, vous la voulez la vérité, on est payé par le gouvernement. Apparemment, il a proposé. Non, mais ils ont l'humour, ils savent. C'est une horreur. Non, mais Oli, ce public-là. Après, moi, je dois taper les mecs et tout. Ce public du podcast a les clés. Ils ont les clés. Non, mais vous avez vu que, apparemment, Macron, La République En Marche, a proposé 50 000 euros, je crois, à Rebeu des Terres. Ouais, à Billy. Pour faire la promotion du gouvernement, genre. Quelle erreur. Alors, je vous rappelle qu'Edouard Philippe a quand même cité Big Flo et Oli. Oui, c'est vrai. C'est un peu plus précis que ça. Je crois que c'était un programme pour les jeunes. Je dis pas ça pour défendre, mais. Donc tu défends bien. J'aime pas dans les infos et parfois sur Twitter. Oui, ça manque de précision. Qui forcent les trucs. Donc je crois que tous les. C'est un sacré macaron, je te le dis. C'est vrai. Et je le reproche à l'État et à tous les États. Mmh. Mais je crois que tous les États français, à chaque fois, il y a de l'argent pour des institutions qui veulent pousser. C'est pareil pour les trucs des produits laitiers, etc. Là, ça, pour moi, ça peut faire du bad buzz, ça peut faire du cancel, ça peut amener du négatif à mon album. Donc je crois que c'est un reportage et il s'appelle Adolescente. Quelqu'un l'a vu ici? Non. Si, bien sûr, ça, c'est sur 5 ans de la vie de meuf. Ouais, c'est cool. Et ça m'a beaucoup touché. Ouais. J'étais réellement touché par. Je vous le fais le débrief en rapide. C'est en gros 5 ans où tu suis deux petites filles, deux petites ados à Brive. Dans une ville dont on n'entend jamais parler. Ça représente vraiment la vraie vie avec tout ce qui se passe. Et je vais pas spoiler, mais c'est hyper touchant. Je l'ai vu aussi. Je n'y croyais pas quand tu m'as un truc. Et j'ai été très très touché. Vachement bien. Et c'est aussi le réalisateur qui avait fait Petite Fille, qui était vachement intéressant. Exactement. Était sur un petit garçon qui a genre 7-8 ans et qui se voyait dans un corps de fille, quoi. Mais qui a 7-8 ans. Donc il a gagné des prix à Cannes à chaque fois. Et c'est un des meilleurs documentaires. Taliste, ouais, voilà. Je sais pas, réalisateur. Réalisateur. Taliste, à mon avis, c'est dans les CDI. Ouais, c'est vrai. C'est dans les CDI. Ouais, et du coup, après, tu sais qu'il est très bon en conseil, des magazines pour jeunes. Il utilise très bien le Thésaurus. Je crois qu'il est dispo sur. Je l'ai vu sur Canal. Ouais, sur ma Canal. C'est 2,99€. Tu peux l'acheter. Je vous conseille la version pas HD, c'est moins cher. Au pire, il a encore les réflexes. Toi, Flo ? Alors moi, comme on je suis... On va rater Billie Eilish. Mais non, mais non, pas du tout, fini, pas du tout, fini. Pas du tout. On va pas rater. Elle dans, vous attend. On est dans les loges, on a tout ce qu'il faut. Allez, vas-y. comme je suis du coup un fan du Floodcast, évidemment, je suis anxieux et je fais des crises d'angoisse. Hein, ça, c'est à peu près tous ceux qui écoutent du Floodcast. 80% je dirais. Ouais, un bon 80%. Très bien, j'adore la vie, j'ai jamais fait ça. Oui, c'est pour ça que t'es pas dans le club, man. T'avais dit ça dans un bon moment et après, on voyait que t'avais quand même des angoisses et des trucs. Est-ce qu'il n'y a pas un fan de la pièce? Et du coup, j'ai testé sans y croire les hypnoses sur YouTube. Ok. Non, de la grosse connerie. Allez, oui. Non, allez, Adrien, tu sais que je suis précis comme toi. Non, je plaisante. Et moi, j'étais le premier à cracher toute ma haine de, comment on dit, de pragmatisme dessus. Bien sûr. Et un jour de détresse, vraiment en mode, il y avait rien qui me calmait trop, machin. J'ai dit, vas-y, je mets play sur ça. Ça m'a tué. Mais vraiment, ça m'a assommé. Et maintenant, je m'endors avec ça tous les soirs. C'est de la méditation, globalement. Oui, c'est de la méditation, par contre. Je conseille ça, la méditation. Méditation slash hypnose. Ils mettent des titres un peu putaclic. Genre, endormez-vous en 5 minutes. Tu veux pas parler de Petit Bambou? Ça t'a beaucoup aidé. Je conseille. Petit Bambou, c'est. Enfin, la méditation, de toute façon, c'est. Mike Méditation sur YouTube et Catherine Paquet. Catherine Paquet aussi, qui est très très forte. Okay. Et Petit Bambou aussi pour la méditation. Vous avez vu que je suis un mec beaucoup plus calme depuis. Vous l'avez vu, je me maintiens. Tu la bannes. Adrien ? Les gens nous font des offrandes devant la porte. Adrien ? Moi, il y a un. Alors, c'est un stand-upper, désolé. je sais plus si j'en avais déjà parlé, mais un mec qui s'appelle Stavros Alkias, un américain. Ouais, bien sûr. Non, mais si vous êtes sur TikTok, il y a moyen que vous l'ayez vu. Enfin, tout dépend de votre algo. Mais parce qu'il est beaucoup sur TikTok et tout. Et c'est comme ça que je l'ai découvert d'ailleurs. Ouais. Et il a sorti son special, donc son spectacle, qui est gratuit, disponible gratuitement sur YouTube. Ok. C'est pas le mec qui fait. Qui débriefe sur la vie des trucs hyper méta. En mode, il dit, mais finalement, quand on s'endort sur le côté. Le gars que je t'avais montré. Ouais. Non, rien à voir. C'est un mec qui fait beaucoup d'interactions avec le public. Et c'est pas chiant à regarder ? Comment ? Justement, c'est pas chiant. Non, mais dans spécial, c'est pas. C'est quoi son type d'humour ? Environ, est-ce que c'est plus humour des noir, références, humour classique, humour woke ? Ça ressemble à quoi, humour woke ? C'est pas woke, je sais pas comment dire. C'est T'as pas un humoriste qui ferait un truc un peu comme lui, non ? Ah ouais ? Et je sais pas, c'est vraiment. Il y a pas mal de d'autodérision. Ok. Et il parle de sa vie. Lui, il a grandi hyper pauvre et tout. Il parle de ça. Il parle de. Enfin, c'est très une parole très libérée et tout. Ouais. Et enfin, il est très marrant. Et moi, qui suis justement pas fan justement des stand-uppers qui font des interactions avec le public, lui, je trouve que c'est hyper marrant. C'est beaucoup d'impro du coup. Ben. Non, pas trop parce que en fait, ce qu'il poste sur les réseaux. Arrête. Non, mais ce qu'il poste sur les réseaux, c'est que ça. Ce qu'il poste sur les réseaux, c'est que des interactions avec le public. Mais parce que c'est les trucs quand il est en tournée et tout ça. Mais là, c'est son spectacle, donc il y en a des interactions, mais c'est pas que ça, heureusement, quoi. Okay. Et donc, c'est cool. Et moi, je vous pense. Et l'album de Jean Jass, Doudou dans l'été, qui est sorti. Ah, j'ai pas écouté encore. Qui est cool. Il a fait un court métrage, non, c'est ça pour Ah, je sais pas. Mais ouais, il faut l'écouter après le nôtre, hein, c'est, je crois qu'il oui, bien sûr. Même lui l'avait dit. Hein. C'est mieux pour, dans l'ordre d'écoute. On a fait un son avec eux en plus, Jean-Jacques et Kaba. Qui s'appelle Big Flo et Oli d'ailleurs. Exactement. Vous avez un titre qui a le nom de votre. C'est à mourir de. C'est pas mal. Et ben moi je vous conseille Dirty Daddy. Alors qu'est-ce que c'est Dirty Daddy ? C'est un special, exact, aussi sur Netflix. En gros, c'est un humoriste que moi je connaissais pas trop, qui s'appelle Bob Saget, qui jouait dans 7 à la bien maison, sûr. Mais moi je connaissais pas trop son type d'humour. Et ce mec-là est mort. Voilà. Et en gros. Quelques semaines après sa mort, ses potes humoristes l'ont célébré. Mais ils l'ont. Wow. Bob Saget, il a un humour, des fois, par exemple, en stand-up, où justement il se fait un peu vanner sur le fait qu'il a fait ça à la maison, il vanne un peu des gens, il était addict à la coke et il faisait des blagues là-dessus. Très trash. Très trash. Et là, en gros, du coup, les gens qui lui rendent hommage sont dans ce mood-là. Et c'est moi, un roast d'hommage de mort? C'est pas vraiment un roast, mais il y a du coup c'est des beau. Blagues de mecs qui le connaissaient bien. C'est tous ses vrais amis, enfin des amis proches, mais ils font des vannes sur le gars c'est qui beau, vient de beau, mourir. Bien, quoi. Et moi, j'en parlais la dernière fois avec Norm Macdonald, je suis toujours très touché de la façon qu'ont les humoristes de gérer la mort. Il y a toujours un espèce qui en fait énormément de pudeur. En ça fait. Sort de la poésie aussi. Exactement. Ouais. Et là, en plus, bah, le cas, c'est, donc, c'est Jeff Ross. Petite connivence. Petite, une nouvelle. C'est Jeff Ross. Jeff Ross, il est connu pour faire tous les roasts de la Terre. C'est le roast master, on l'appelle. Donc, c'est le roi de ça aux États-Unis. Et donc, c'est lui qui organise le plus ça. Enfin, c'est lui que tu vois tout le long de l'émission. Mais il y a plein d'intervenants. T'as Jim Carrey qui est sur scène. On n'a pas vu Jim Carrey depuis 30 ans sur scène. Ah ouais. Il y a Chris Rock. Il y a John Stamos qui jouait avec lui dans. La gifle, Chris Rock, vous avez c'est fou ce qui s'est passé. Il paraît que c'était ouf, mec. Flo en fait une référence dans un son. Oui, dans le son Booba qui est disponible sur notre album, il n'y a qu'à cliquer. Il fait des petites réfactus. Petite réfactu le flow. Petite question, là peut-être je vais encore trop loin. Pourquoi le roast ne marche pas en France? Qu'est-ce qui fait que notre culture nous rejette le roast? Pas la bonne forme, pas la bonne forme, mais peut-être on la trouvera un jour. Ouais, mais je sais pas, c'est pas dans la culture aussi. Je pense qu'il y a une forme à trouver. Il y a une forme à trouver. Pas tous. Tu sais pourquoi? Oli déteste, je pense. Tu sais pourquoi? Quand ça parle de lui. Parce que je crois que dans la culture française, on se vanne beaucoup plus tout le temps. Donc c'est pas un truc hors du commun. Alors que aux États-Unis, il y a une sorte d'hypocrisie des réseaux et de Hi, how are you? I love you. Alors qu'en France, c'est hey, ça va toi. Et c'est aussi... ça claque déjà. Donc ça s'explique un peu dans l'éducation sociétale. C'est comme ça que les gens expliquent. C'est comme... y a un côté catharsis à oui, c'est pas un défouloir ici, puisqu'on le fait après la scène, avant la scène, dans le public et en coulisses. C'est comme ça que les gens. On est horrible. Il est pas si con le Oli. C'est comme ça que les gens expliquent aussi pourquoi le stand-up américain très porté sur la branlette et les gros mots, c'est que leur télé est tellement aseptisée. Exactement. Alors que à la télé en France, tu peux entendre des putains, des ta gueule et tout. On peut voir des mecs se branler d'ailleurs, non? Ouais, à la télé, après, c'est plus, à 20h30, c'est plus tellement vrai maintenant, quoi. C'est vrai, mais à l'époque. Ouais. Bon, je suis bien chaud, j'ai dit branler. Faut qu'on vous laisse voir Billie Eilish. Donc, votre album est disponible depuis vendredi. Les autres, c'est nous. Ayez la curiosité de me lâcher. Bien sûr. Mais voilà, on a dit les titres qui étaient cool. Merci, les gars, vous. Ça va? T'as plutôt apprécié l'expérience en vrai? Franchement, j'ai trouvé ça super cool. Voilà, un peu long. Un poil long. Ouais, bien sûr. Mais vraiment, ça, je trouve ça super et ça me donnera envie d'écouter. Vous vous en foutez, mais si, ça représente peut-être une partie des gens aussi. Et tu vois. Et ça me donnera envie d'écouter les prochains, là. Je vais essayer de m'y pencher et d'essayer de m'habituer. C'est qu'il faut une tournée? Tu le sais, c'est génial. Il en remplit en 5 minutes. Ah, c'est énorme. Je sais qu'il passe au Casino Barrière à Toulouse. Oui, à Toulouse. Exactement, on joue à Toulouse. Et ça m'a donné envie aussi de peut-être me mettre au podcast. Je sais pas comment, parce que j'ai pas le permis. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir me le mettre. Dans un trajet ou quoi, essayer de m'y habituer. Globalement, les gens qui sont arrivés jusqu'à là du podcast, c'est vraiment des férus de podcast jusqu'à la fin là, donc ça sert à rien. Quoi, ouais, mais ça me fait plaisir de l'entendre. Non, c'est pas sûr parce qu'il y a aussi, il y aura beaucoup de proches à moi. Mais paye-le, paye-le ton café. Adrien, Visitors, Derby Girl, oui, MST. Voilà, MST. Voilà, tout ça. Et quelques émissions. Non, MST, j'ai adoré les gars. Un million de vues en 24 heures. Oh, j'aime quand tu fais ça aussi. Voilà, c'est les deux. Ouais, MST, c'est très drôle, hein. Merci. Avec Mister grâce V. À, beaucoup ouais, grâce à Mister V aussi. Oui, c'est vrai que vous précisez, voilà. Les gens savent pas forcément. C'est pas juste une maladie vénérienne. Ouais. Voilà. Bon, merci les gars. Merci beaucoup. Salut, ciao, bye. Merci. Ciao. Donne-moi un peu plus. Un peu sec la fin. Un point plus. Un peu plus. C'est pour vous, c'est Billie Eilish. Moi j'y vais pas. Hein. Vas-y, lâche un peu plus juste. Pour le. Quoi? Oh non. Non, putain. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.